Et voilà, nous voici de retour. Nous allons donc pouvoir commencer. Alors, j'enlève moi studio parce que ça m'énerve. Et je vais changer la musique. D'ailleurs, juste pour toi, Grenadine. Je vais t'envoyer Oh. la musique, le lien vers la musique YouTube. Hein. Comme ça, tu pourras l'écouter. C'est Ça ce que me je dit suis, quelque c'est ce chose. qui est en train de passer. Donc, je l'ai mis en général Je connais. Ah bah oui. Ah bah oui, il y a Miss Madness, ouais, je connais. Bah oui, bah, entre nous, la musique était disponible. Enfin, elle a été utilisée dans Étrange Aventure. Ouais. C'est ça. Alors, tac, je me mets le scénario devant les yeux parce que je suis très mauvais. Alors, donc, nous avions, enfin vous étiez donc devant la porte qui vous amène dans le clocher. Le gardien vous a dit que lui redescendait. Redescendez du coup en bas pour faire ce qu'il a à faire et dès que vous avez terminé de revenir le voir par la suite. Quand vous vous présentez devant la porte, eh bien donc c'est une porte assez vieille en bois. Un bois assez costaud, hein. Vous imaginez que ça doit être une porte, en gros, je sais pas, au moins 15, non, 10 cm d'épaisseur. C'est les bonnes vieilles portes de rentant. Elle est, pour vous donner une idée, c'est une porte, vous savez, un peu arrondie sur le haut, qui se fait un petit demi-cercle. En haut et qui descend après. Est-ce que vous visualisez un petit peu? Ouais, une Ouais, je arche. suis expert en porte en Ouais. fait. Hein? Je suis expert en porte. Ah, ok, bon, bah, ça Et va, tu vois. portier? Je suis même capable de te faire le bruit d'une porte qui grince, tu vois, donc. Bah, tu feras ça au moment où vous ouvrirez la porte. Puisque, le cas échéant, vous essayez d'ouvrir cette porte, mais celle-ci ne s'ouvre pas. Est-ce qu'il y a une serrure en fait? Exactement. Bah on a les clés, on va Eh donner les bien, clés. malheureusement, il nous a pas ouvert la porte et il est déjà descendu. Alors, si quelqu'un veut tester sa puissance, ou alors essayer de crocheter avec peut-être un truc à l'arrache, vous pouvez toujours Genre essayer. une épingle à cheveux au hasard. Voilà, exactement. Catherine Elle a serait pas toujours une tout épingle à simplement cheveux quelque part. un petit peu Oui. jolie? Eh bien, je vous invite, pour ceux qui veulent, à me faire un jet en force pour essayer peut-être bien de pousser De la cette déborder porte, là. peut-être donner un petit coup d'épaule bien placé. Alors, je suppose, Catherine, que Je tu ne vas vais pas te jeter sur la porte. Non. Bah, on peut déjà laisser la méthode un peu simple d'essayer de crocheter si quelqu'un est capable de crocheter une Alors, à serrure. savoir que ça reste une porte ancienne, et du coup, vous imaginez que c'est une clé assez imposante, hein. Ça va pas être la petite Donc une serrure, épingle à cheveux, voilà. ça va pas forcément marcher. Voilà. Alors, J'ai qui pas envie essaye de tirer. de forcer, d'y aller comme un bourrin? J'ai pas envie de dire de tirer sur la serrure, hein, parce que bon. Moi, j'ai pas envie de forcer comme un bourrin, mais je me dis peut-être c'est juste un peu gelé, peut-être en forçant, ça va Ah, finir faut par faire une s'ouvrir. blessure en fait. Ouais. Non, mais du coup, s'il faut forcer, moi je suis capable d'utiliser ma tête pour forcer la porte. Allez, avec l'aide d'Emilio s'il faut. Ah, je croyais que tu n'allais jamais me le demander. Ah, je te tiens la main et là on va tous les deux ensemble devant la porte. Mais moi, j'ai envie de donner un gros coup de pied dans la porte, et puis voilà, hein, ça l'ouvrir. Eh bien, faites-moi un jet de force alors dans ce cas-là. En vrai, on peut faire bélier tous les deux et pousser par notre avec notre épaule, tu vois. Bah, pousse avec ton épaule, moi je donne un coup de pied dans la porte, plutôt. Ok. Mes jambes ont plus de force que mon épaule. Ça, je le sais. Du coup, ouais, bah, je donne un coup de pied dedans. Eh ben vas-y. Et c'est un 37 sur 65. Et c'est un 75 sur 65. On a la même Alors, force. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, Emilio, tu prends les devants. Tu commences à prendre un peu des pas d'élan. Et à venir, en fait, comme tu as l'habitude de le faire quand tu fais tes petits cambriolages à Londres. Pas de cambriolage, moi. Pardon. Qu'est-ce que j'entends? Je suis pas de cambriolage. Non, je vais utiliser mes clés d'appartement à New York. Non, en gros, merci Olchad pour le resub. Merci beaucoup. Et bonne année. Alors, je sais pas si tu es encore avec nous là, mais bonne année à toi, Olchad. Du coup, et bonne année à Beria, et bonne année aussi à Swabala. Enfin, j'avoue que je suis un peu parti dans tous les sens. Bonne année à tous. Oui. Et donc, tu commences à prendre quelques pas d'élan, et tu viens placer ton pied en gros au niveau de la serrure. Oh, salut Aki, bonne année. Bah, non, vous arrivez tous. On n'ouvrira jamais. Bonne année à tout le monde. Bonne année à toi, Aki aussi. Meilleurs vœux, meilleure santé, tout ça, vous tous. Bon, putain, dessus. Tu viens donc, je vais réussir à le faire. Hein. Tu viens donc placer ton pied sur la serrure. Et dans un bon coup de rein, poum, la porte vient à s'ouvrir. Toi, Peter, en fait, ce qui se passe, c'est que. Tu pensais vraiment que Emilio n'arriverait pas à du premier coup à l'ouvrir. Et donc, tu prends la suite avec ton élan. Et au moment où tu places ton pied à l'endroit, eh bien, tu te rends compte que la porte est déjà ouverte. Et dans c'est l'élan... Enfin, alors, si tu veux, bah, c'est encore pire, puisque tu arrives avec ton épaule lancée, sauf que au moment où tu vas pour frapper la porte, eh bien la porte est déjà ouverte. Ce qui fait que bah, dans ton élan, tu viens percuter le mur qui s'y trouvait juste derrière. Eh bien, on va dire que je vais pouvoir faire de la comédie quand même. Hein. Je suis aussi doué de Chaplin. Voilà, ce qui met un petit sourire en gros sur le visage d'Emilio. Qui se marre de voir que tu lui as pas fait confiance sur ce coup-là. Oh, Peter, vous allez bien? Au lieu de glousser, venez m'aider à me relever. Je l'aide à se relever. Ah, j'ai... C'était solide cette porte. Pas tant que vous ça. Voyez que... vous voyez du coup qu'en ouvrant la porte, que la température... est encore plus froide que la pièce où vous étiez et qu'un vent glacé vient flageller, si vous voulez, votre visage. Un froid mordant. Voilà, un froid mordant. Et que vous êtes totalement dans l'obscurité. L'escalier, parce que vous devinez en fait les premières marches d'un escalier, eh bien, elles sont... dans l'obscurité. Bah, on t'avait pas une torche, Emilio ? Si, j'avais récupéré ça. J'ai récupéré ça quand j'étais allé chez le mécanicien. C'est vrai, ça ? Donc, c'est vrai, ouais. Oui. Oui, mais bien sûr ! On se souvient, mais c'est... non, je rigole. Je me souviens parce qu'on avait une discussion sur comment la date des lampes torches. Donc ouais. Oui, la date de d'invention des lampes torches. Bien sûr. Du coup, c'est vrai. Donc tu sors, Emilio, ta lampe torche hein, que tu gardais précieusement avec toi. Hein, tu ne pars jamais sans ta lampe torche. Tu l'as toujours avec toi. Maintenant. Et quand tu allumes, tu vois que ce sont en fait des volets de 5 marches. Donc 5 marches, un palier, 5 marches, un palier, ainsi de suite, pour arriver jusqu'en haut. Ce sont des marches en pierre. Vous voyez que sur les côtés, en fait, ça fait comme une tour. Hein, et en fait, à intervalles réguliers, vous avez des espèces de meurtrières, d'où du coup ce vent. sort. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à monter ou pas? Oui, je passe devant. J'ai la lampe torche dans ma main gauche. Je sais plus si Emilio est droitier ou gaucher, mais il le met dans la main gauche. Et il a l'arme dans sa main droite, du coup. Enfin, dans sa main directrice, ouais. Il a la main secondaire utilisée par la lampe torche et la main directrice a le flingue en main. D'accord. Alors. Sur les premiers. Je pense qu'il va te suivre juste derrière. Sur les premières marches, tu vois que. Je vais fermer la marche. Ok. Donc, du coup, sur les premières marches, Emilio, tu vois que. Elles sont plutôt larges. Plutôt en bon état. Mais tu te rends compte qu'au fur et à mesure que tu montes. Eh bien, elles se rétrécissent un petit peu, et elles sont plus usées au fur et à mesure que tu montes, jusqu'à arriver à un moment où, tu arrives à peine sur les marches à poser ton pied en entier, limite que t'as ton talon, tu sais, qui commence à sortir de la marche et que si tu ne fais pas attention, vu que vous ne voyez pas grand chose, eh bien vous pouvez facilement trébucher. Pour l'instant, il n'y a que toi vraiment qui le vois, puisque les autres te suivent, hein, parce que c'est toi qui a la lumière, qui a le. C'est-à-dire si quand même mes compères de faire attention où ils mettent leurs pieds, car les marches se rétrécissent quand même. Et je continue d'avancer. Ok. Tu continues et tu vois que tu as au bout d'un moment, le mur laisse place. Vous voyez que c'est assez haut quand même, hein, ça monte assez haut. Et que le mur laisse place en gros à une balustrade au niveau du centre. En bois, qui est vraiment en très mauvais état. Vous allez continuer à monter, et plus ça va aller, et en gros, tu es presque à un moment donné obligé de mettre limite ton pied en biais pour pouvoir le poser en entier, parce que tu arrives à des marches qui sont à la moitié d'un pied, la moitié de ton pied. D'accord, ouais. Tu es presque à un moment obligé de te tenir sur les murs, tu sais, pour avoir une stabilité avec cette balustrade qui est branlante un peu. Enfin, mon arme pour m'appuyer. D'accord. Vous allez me faire. Enfin, toi, dans un premier temps, tu vas me faire un test d'agilité, s'il te plaît. Agilité, dextérité. Oui, c'est ça. Allez. Bah non. Ah, les dieux des démons, écoutez. Fais gaffe, parce que je suis au-dessus de vous, donc si je tombe, je tombe sur vous. Hein. Bah, on te laisse tomber dans les escaliers en colimaçon et on te retrouve en bas. Au moment où tu poses ton pied sur une des marches, vu que tu avais commencé un peu à ranger tes affaires pour avoir plus de prise sur les trucs, eh bien tu as un moment où ta vigilance un peu s'est altérée et tu loupes la marche. Et tu glaçantes les marches. Ouais, et en plus c'est vrai qu'avec le froid, ça commence un peu à glisser. Et en fait tu rips la marche et tu commences à tomber. Et c'était qui celui qui suivait? C'était le Giorgio. Giorgio. Ok, ouais, bon, ouais. Giorgio. Donc Giorgio, en gros, te voit, enfin, commence à te voir dégringoler sur lui. Et Giorgio va faire un test d'agilité pour essayer de bien gérer l'histoire. Alors, hop. Je vais me réceptionner, vous inquiétez pas. Ça va faire un petit bowling, là. Boule de neige. Un bowling. Ok, donc là, il fait un... Il gère bien, et après en force. Eh bien, tu as de la chance. Parce que Giorgio, eh bien, non seulement il arrive à bien se placer, et en plus, eh bien, il arrive à te rattraper. Seulement, ça a pour conséquence que la personne qui est derrière Giorgio, qui est... Moi. Peter, eh bien, tu es un peu surpris par la chose. Et quoi, si tu vas me faire un petit jet d'agilité pour voir si la scène qui vient d'arriver ne te perturbe pas trop. Décidément, c'est tous mauvais, c'est pas possible. Bah, l'agilité, c'est pas notre fort. Hein. 92. Oh. On fait les mêmes jets à peu près. Qui est derrière Peter? Ok. Moi. Alors, derrière moi. Peter, tu es pris en gros d'une petite panique, en gros, en voyant Emilio tomber, qui est rattrapé par Giorgio, et du coup, dans le truc, tu fais un petit peu un recul, qui fait que tu perds l'équilibre, et Catherine, du coup, tu vas me faire un petit jet d'agilité, s'il te plaît. Bien sûr. 9. Waouh. Alors, en fait, Peter, tu étais en train de perdre l'équilibre. Heureusement, Catherine a réussi, en gros, à se placer juste derrière toi et à simplement poser sa main sur ton dos avant que tu bascules, ce qui fait que tu as le temps de te rattraper à la balustrade. De pencher en avant et de me rattraper. Exactement, voilà, c'est ça. Je l'ai échappé belle, merci Catherine. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous, hein, ça. Et c'est le moment où Giorgio vous dit faites attention quand même. Ça glisse. Moi, je remercie en italien, je dis merci l'avenir. En ce moment que vous avez tiré là. Ah, prego, prego. Et du coup, bah. je reprends l'ascension. Voilà, bon, cette fois-ci, vous êtes plus alerte quand même. Hein. Vous êtes, toi, de ton côté, Emilio, tu t'es un petit peu recourbé sur toi-même pour avoir un centre de gravité plus bas et avoir plus de prise, hein, en gros, pour être plus. Voilà, donc vous arrivez finalement en haut. Sauf que, en haut de l'escalier, eh bien, vous avez. Une trappe. Alors, faut vous imaginer un espèce de plancher en bois et au-dessus, enfin dans ce plancher en gros, faut imaginer qu'il y a une trappe carrée en gros. Comme celle des greniers là que tu tires. Oui voilà, en fait tu la pousses vers le haut et ça baldingue au-dessus et toi tu peux rentrer derrière donc avec un espèce de petit escalier, des petites un petit non, pas un escalier mais un une échelle, petite échelle, une échelle. Petite marche, voilà. Emilio, t'as pas trop de problèmes pour ouvrir cette trappe. Hein. Tu vois juste que quand tu l'ouvres, que elle a pas été ouverte depuis longtemps parce que tu te retrouves avec un peu de poussière qui te tombe dans la tronche, dans les yeux, ça te picote un petit peu, tu vois, t'es ah, putain, ouais, exactement. Bah, je lance deux petits jurons en italien quand je l'ouvre, tout en toussant et je monte en premier. Ok. Quand vous quand tu sors de là, bien tu arrives en gros tout en haut de la tour. Et tu remarques, en fait, en regardant autour de toi, qu'il y a des petites ouvertures qui te permettent de voir à l'extérieur, en fait, de la tour. Même si c'est très sombre. Et tu te rends compte de quelque chose qui te trouble un petit peu. C'est que vous êtes rentré dans le palais, le palazzo. Il était... Quelle heure, à peu près? Tu t'en rappelles? Après l'enterrement. C'était pas très tôt le matin. Il était Voilà, Bon, on doit être on en a passé début du temps à la d'après-midi. réception et tout ça, donc je crois que c'était en milieu d'après-midi hein, qu'on y était. C'est ça, 14h, effectivement. Mais quand tu arrives en haut, tu regardes dehors, parce que tu vois dehors, et il fait nuit. Je dis, mais c'est pas possible. On a passé tant de temps là-dedans. Et j'aide les autres à monter en fait. Quand ils sont Ok, en haut mais de l'échelle, les autres, c'est sûr, ils montent. Hein. vous arrivez et vous voyez qu'Emilio est très troublé. Vous n'avez pas encore jeté vos yeux l'extérieur, mais vous voyez Emilio qui est très troublé. Avoir passé autant de temps ici, il fait déjà nuit, c'est pas possible. Mais voyons, il fait pas nuit, il doit être Est-ce que vous aujourd'hui, il est regardez! 14h30. Mais comment c'est possible? J'en sais rien. Ah, s'il fait réellement nuit, on va La avoir des brume problèmes est avec le plus gardien. épaisse. La brume est plus épaisse et ce qui nous donne l'impression qu'il fait nuit. C'est possible. Il y a toujours le. Bah, du coup, vu qu'on a vu sur l'extérieur, on sent un peu l'odeur toujours. Ah oui, l'odeur nauséabonde est très marquée, même à cette hauteur, parce que Ok. vous savez, enfin vous l'avez vu avant de rentrer dans le palais, que la tour est assez haute quand même, hein, c'est quand Est-ce même... qu'elle est plus forte du coup? Non, en fait l'odeur est la même Ok. que si vous étiez en bas. Vous sentez pas vraiment de différence. La seule chose que vous avez en termes de différence par rapport au départ, c'est que il fait nuit dehors. Il fait froid et ça sent toujours aussi mauvais. D'accord, il fait nuit, c'est vraiment la nuit, c'est pas une brume Ah qui ouais, non, cache tu la vois, il forêt, fait enfin voilà. nuit. Il fait Il y a nuit. de la Ouais. terre, Il fait la nuit. lune. Mais si on avait passé autant de temps, le vigile, Oui. il aurait fait quelque chose, quoi. Je suis d'accord, enfin normalement il est censé venir nous Bah, c'est chercher, on risque surtout d'avoir. que Maria doit Et comme en s'inquiéter de là Lausanne? pour Giorgio. Comment ça, comment Lausanne? Vous voulez dire comme l'océan onirique? Oui, Mais une autre réalité. on n'a rien pris. On a pris un passage. Une De autre toute chose que façon, vous si je me remarquez. fie à tout ce que vous me racontez, on est sûrement victime de quelque chose de la sorte. Bah, pas vraiment, parce que normalement, c'était une lotion, une sorte de sérum que buvaient les gens pour aller Oui. dans cette Lausanne. Puis, si ça perdrait pas trop de temps, enfin c'est dommage, on devrait juste retourner sur nos pas et voir ce qu'il en est, mais Oui, on j'ai va pas peur qu'on ait perdre une autant perte de de temps. temps. Non, on est d'accord. C'est lié Alors, à ce lieu. il y a une chose que vous remarquez aussi, c'est que, eh bien, enfin, là où endroit où vous êtes est assez bas de plafond. Donc pour vous, en fait, vous avez l'impression que il y a très peu de marge entre le plafond et votre tête, et que vous dites que si vous étiez des gens assez grands, bah vous auriez pu vous baisser pour pouvoir vous déplacer à l'intérieur de cette pièce. Vous entendez également des bruits d'engrenage, des cliquetis qui sont là en Ils vont toucher. permanence dans l'endroit. Les C'est des mécanismes bruits qui sont fonctionnent très, très, encore. voilà, des mécanismes qui fonctionnent. Que dire de plus? Vous allez me faire un jet, s'il vous plaît, d'écouter. 97, c'est une fois Oui. sur deux. 90. 98. Et 23. Ça essaye d'en jouer à qui fera le meilleur échec. Regarde, moi je fais 98. Y en a, ils tous ne font pas en fait. On est Si je peux balèze. faire des jets comme ça pour les tests de chance quand même. Ouais. C'est qu'on est en train de papoter du jour et de la nuit. Alors attendez, dis-moi juste, Al, tu peux me rappeler combien t'as fait? J'ai fait 90, tout rond. 90. Ok. Alors on va commencer par, par les échecs critiques. Hein. Alors Peter... J'ai failli mourir. Hein. Ah, je serais presque tenté de vous demander d'enlever vos casques les autres quoi, pour rigoler un peu. D'accord. Non, bah, pas toi, Peter. Plus, j'ai 80 ans, mais écoutez. Juste quoi, enlevez vos casques. Enlevez vos casques, les autres. Juste posez-le à côté. Ouais, genre, on va éviter le. Moi aussi, j'aurai une information différente. C'est ouais, ça en fait, tu auras une information différente. Okay, ouais. Tu dis coucou voilà. Sur le chat pour que je remette, hein, parce que je vous vois pas. Alors, lequel chat tu veux ? Le chat de général. Discord ou le chat du live ? Je Discord, ça. C'est ok, rapide. Ça marche. D'accord. Ça marche. D'accord. Et Emilio, il s'est mis en. Peter, tu tends l'oreille et tu entends des voix dehors, des cris. Il y a des gens, en gros, t'as l'impression que. Il y a des gens qui hurlent dehors, ça pousse des cris, comme s'il y avait des bagarres, tu sais, voilà. Et en fait, ouais, voilà, manifestation, mais plus, t'as plus l'impression que ça va plus loin qu'une manif, c'est presque une émeute. Et en gros. Quand t'entends ça, tu essaies d'écouter un peu plus, et quand t'écoutes, t'as l'impression qu'on dit des trucs que tu comprends. Tu vois, comme si c'était dans ta langue, et qui disent il faut choper l'Américain. Et ça gueule fort, tu vois, genre. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Bah, écoute, je transpire un peu. Voilà, attends, on va appeler Catherine. Hop, on va les faire. Voilà, voilà, c'est bon. Donc, tu peux enlever ton casque, Peter. Ah bah Peter, il est arrivé. Ok. T'as de la chance, je viens juste de revenir dans le bureau. Catherine, en fait, tu écoutes et tu commences à entendre en fait des gens qui crient. T'as l'impression que ça vient d'en bas, de tout en bas, et il y a beaucoup de gens, vraiment beaucoup. Et presque comme si... comment dire... c'est même pas une manifestation, ce serait presque une émeute. Des gens qui se foutent sur la gueule, ou tu sais pas, ou enfin ça crie. Et en tendant l'oreille encore un peu plus, t'es un peu troublé parce que t'as l'impression de comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Et ils le disent en anglais. Et c'est un peu. T'as l'impression qu'ils disent il faut choper. La femme. Et voilà, tu vois, les gens, enfin, c'était très troublant, quoi. Choper la femme. Ok. Voilà. Et ok. Bah, j'attends qu'à tout le monde pour pouvoir hurler. Alors attends, parce que du coup, il faut que j'appelle tous les autres. Alors, Albert. Albert. Oui. Bah, Albert, toi, en gros, tu tends l'oreille, mais t'entends bien un bruit de fond, mais... Tu sais pas trop ce que c'est en fait. T'es assez partagé parce que t'entends les cliquetis, les engrenages qui sont là, plus un peu l'ambiance générale qui te perturbe, le fait qu'il fasse nuit alors qu'il était 14h il y a 10 minutes de ça. Qu'il y ait toujours cette odeur désagréable et ce froid mordant qui te gèle littéralement, parce que vous n'avez pas forcément des tenues qui sont adéquates pour ce genre de température. Du coup, ouais, t'entends bien quelque chose, mais c'est un brouhaha, enfin quelque chose un bruit, mais de fond, tu sais pas trop ce que c'est. Ok. Voilà. Et enfin. Ok. Et je Emilio. peux sommer au groupe de se taire, peut-être, de faire un chut, d'écouter. Bah attends, on fera ça quand tout le monde sera revenu. Et je finis avec Emilio. Alors, Emilio, Ok. toi de ton côté, eh bien, Je t'entends qu'il se passe. me Ouais, retire. tu peux l'enlever, ouais, je te rappellerai. T'entends du bruit de tout en bas, ça gueule dans tous les sens. Et toi, c'est dans ta langue, tu vois, tu comprends tout, c'est de l'italien, il n'y a pas de problème. Et en fait, tu te rends compte que c'est littéralement une émeute. Et des gens qui crient, c'est Satan, c'est Satan! Genre, c'est le démon qui s'est emparé de Venise, la peste! Et genre, en gros, tu vois que. Enfin, tu entends que ça crie un peu partout, que les gens se bousculent. Enfin, tu arrives à deviner tout ça sans forcément voir. Tu dis peut-être que si tu te penches pour. Peut-être à une des meurtrières qu'il y a, enfin, ou des coins dans la salle, peut-être que tu pourrais voir en bas, je sais pas. Voilà. Mais c'est ce que tu entends. Attends, Je me demande, je connais à peu près les dates des épidémies de peste en Italie, enfin ce genre de truc, savoir que tu vois, il y a eu la peste et tout ça en Italie, et tout ça, ce genre de truc-là, je connais. Oui, tu sais déjà, mais Ouais. bon, Non, je c'est vais. juste pour me dire, j'aurais juste voulu savoir, tu vois, si pour moi ce bâtiment-là, il aurait pu être construit. Pendant ces épidémies de peste, en fait. Enfin, si il était déjà là pendant ces épidémies de peste. Ah oui, Tu vois. c'est vieux, c'est vieux. Ah Il est très vieux ce bâtiment. Il est très vieux, le palais. oui. Ok. Donc voilà, vous pouvez maintenant agir. Vous êtes tous de retour. Catherine. Aïe! Excusez-moi. Alors, on est tous. Comment on a Oh, entendu elle se tous fait parler? agresser! Elle se fait agresser, vous voyez Catherine attaquée par. Exactement. Ah non, Non, un gros mot! Catherine pousse un petit cri de. Tu sais, qui lui échappe, quoi. Voilà, un truc qu'elle n'arrive pas à contenir, un mini cri de peur. Catherine, qu'est-ce qui vous arrive? Vous inquiétez pas, les mecs, Vous avez pas ils arrivent entendu? ici. Vous entendez pas dans la rue? J'entends Euh, quelque en chose. bas. En bas, il y a eu des voix. Ils veulent m'attraper, ils ont dit. Ah non, ils veulent m'attraper. Ils veulent Non, la ils veulent mienne. m'attraper. Ils veulent la Depuis quand femme. vous parlez italien, vous? Ils Depuis parlent anglais. Pourquoi Venise, il parle anglais, oui, il parle italien. Vous avez entendu des voix? Oui, en bas. Peter, Ça il y avait des résonnait. voix en Il y bas. a bien eu des voix en Oui. bas, mais ça n'avait rien à voir avec vous, ça parlait de peste. Non. J'ai entendu, il faut attraper la femme. Giorgio, vous êtes d'accord avec moi? Giorgio, vous avez entendu quelque chose? Giorgio, il va faire un petit test d'écouter. Tiens, c'est vrai que je lui ai pas fait faire de test d'écouter. Toute Giorgio, façon, il a pas entendu grand-chose. En fait, il entend bien qu'il a un son, mais c'est très très diffus. Il a pas, contrairement à vous, réussi à entendre des voix particulièrement. façon, il parlait anglais. Il te faut une autre preuve que ça? Catherine, il parlait italien. Je le sais, je les ai entendus. parlait d'Italie, il parlait de la peste, que c'était la plaie du diable, qu'il voulait brûler des choses. Bref, voilà. Hein, c'est. Bah oui, il va le brûler, nous. Non, pas bah vous. Oui. Non, la... Vous êtes malade, vous êtes des pesteux, vous êtes des pestiférés. Bah regarde mon bras, qu'est-ce qu'il faut de plus? C'est pas ça la peste. Tu moi, vois un moi, bras j'ai pas ce problème, là. Perclus de croûte ça rouge, c'est la goutte. des traces vraiment très marquées, rouges, limite purulentes sur son bras. Quand il te le montre. Un peu dégoûtant, cachez-moi ça s'il vous plaît, Peter. on reste bien tranquille, peut-être ils nous oublieront pas. Moi, je n'ai pas envie de me faire finir comme voilà. On sait très bien ce qui se passe en Italie. Il faut couper la pour tête. Pour ma part, je n'ai rien entendu de vraiment descriptible, mais il semblerait que ici nous sommes victimes de ce genre de choses dont vous me parlez. Il faut rester vigilant, c'est tout. Je regarde quand même avec la lampe les différentes statues. Et notamment celle qui serait à échelle humaine, en fait. Alors, pour l'instant, de ce que vous arrivez à voir, en fait, c'est que... comment dire tu passes ta lampe devant toi et tu vois en gros partout des engrenages qui remplissent la pièce. Des plus ou moins grands, t'en as qui sont genre 1 mètre de diamètre, t'en as qui font genre 30 cm, donc il faut 2 mètres. Et d'ailleurs, quand vous passez, vous voyez que il y en a certaines fois pour avancer, vous êtes obligé d'enjamber les engrenages pour pas tomber dedans ou vous coincer à l'intérieur. Et là, en gros. Tu regardes et tu vois qu'il y a des chaînes aussi qui sont tendues et qui descendent du plafond. Donc c'est plutôt dangereux. En gros, t'as l'impression que si vous avancez n'importe comment, vous pouvez vous blesser gravement parce que si vous foutez la main dans un engrenage, vous êtes pris par une chaîne, ça peut faire bobo. Tu vois une espèce de au loin une espèce de tapis en gros au sol et tu vois qu'il bouge mais très doucement. Alors c'est un tapis qui est assez volumineux hein. Et d'ailleurs tu vois de ce tapis un bras dépassé, mais un bras enfin c'est une taille humaine en gros. Sauf que devant toi, eh bien, c'est plein de, il y a plein de engrenages et donc il va falloir que tu essayes de, si tu veux parvenir à ça, et en gros, essayer de te faire un chemin dans tout ce truc en fait. D'accord. Essayons de réfléchir un peu. Déjà. Si jamais cette foule, hypothétiquement, voudrait votre mort à tous les deux, ils vont pas pouvoir tous monter jusqu'ici. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Ouais. On a quand même le temps d'essayer de trouver ce qu'on est venu chercher ici. Oui, cherchons. Oui, surtout si on met des... Si on met des demi-journées pour monter la tour, effectivement, on a le temps. Ah oui. Et pour nous, on a passé quoi? On a passé 15 minutes peut-être à monter la tour, hein, pas 3 heures quoi. Oui, est-ce que vous avez des montres? Oui. Je suppose que oui, oui. Enfin... Oui. Enfin, si à l'époque c'était commun, oui, je pense. Genre commun pour ma classe sociale. Hein. Ah non, on a perdu quelqu'un. On a perdu Hal, je crois. Je profite. Attendez, Hal va revenir. J'espère. Allez. Mais attention. Est-ce que Hal va revenir? Mystère et boule de game. Parce que pour l'instant, je m'appelle Peter. Je m'appelle Peter. Nous avons Grenadine qui est Emilio. Ah. Alors, Albert est devenu Gassard. Je me raccroche. Et Catherine est devenue Xen. Ah oui. C'est les joies du live. Bon, bah, attends, est-ce que tu nous entends au moins, Albert? Je vais attendre un petit peu. Il a fait un. Ça y est. Tout petit message. Ouais. Tu nous entends? Je me raccroche là. Ok. Oui. Bon, déjà tu nous entends. Je vais pouvoir continuer. Donc, est-ce que vous décidez de regarder sur vos montres, tout simplement? Quelle heure il est? Bah, dans ce cas-là, oui, si on en a, oui. Ça aurait été un des réflexes quand il me dit il fait nuit de regarder ma montre. Ouais. Bah, vous l'avez pas dit, donc moi, pour l'instant, je n'ai pas pris la. Sous le coup de l'excitation, du fait que là, on veut notre mort, à ce qui paraît, on a peut-être pas forcément. À ce qui paraît. Oh. Insupportable, cet enfant. Ouais, tu veux comprendre. Eh bien, il est 22h. Ah. Vous allez me faire un petit jet de san, s'il vous plaît. Le gardien, il va nous défoncer. Hein. Moi, juste pour ça, j'ai perdu 6 points de san. C'est bon. C'est du descend, le san, hein, comme d'hab. Je vous entends plus. Ah, mais je sais pas pourquoi, mais tout de suite, ça me fait plaisir de réussir et que Gassard rate. Mais c'est incroyable. J'adore ce jeu. Tu nous entends plus, Al? Ah, ça passe. Tu nous entends plus, Al. 46 sur 67. Tu vas devenir fou. La notion du temps, t'es perdu, Gassard. Emilio, il va juste. Gassard, c'est marrant. Emilio, c'était le perso qui était le plus rationnel jusqu'à présent. Mais non, mais il y a des raisons et tout. Il fait oh non, les montres ont pété. Ah non. C'est vrai que j'ai réussi ces VG de San. J'étais content, moi. Ah, je crois que Albert nous a requittés. Enfin, là, il est en mode figé, mais je pense qu'il va. Il reviendra un jour. Bon, déjà, je vais commencer par Peter. Donc, Peter, toi, tu gères plutôt bien, t'encaisses plutôt bien le fait que tu sois passé de 14h à 22h en l'espace de 1h, peut-être. Tu sais, la décalage horaire. Ensuite, on a. Alors, tu avais fait combien, Catherine? Moi j'ai fait 46 sur 67. Ok, donc 46. Petite réussite. Eh bien, toi aussi. Ainsi, aussi incroyable que cela puisse paraître, tu as plutôt bien accepté cette éventualité. Après, tu te dis que. Enfin, je veux dire, vous vous dites peut-être que vous avez passé plus de temps qu'il n'y paraît, mais enfin, même si, quand même, entre 14 et 22 heures, il y a quand même pas mal de temps, mais. Bon, vous avez vécu des choses plus incroyables que ça auparavant, donc soit. Par contre, toi, Emilio, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Oui, je suis Xen. Je suis Zen et Xen en même temps. Au moment où tu regardes ta montre, dans un premier temps, tu te figes. T'essayes de faire un peu le focus en disant est-ce que c'est bien 22h que je vois là? Mais au moment où tu réalises que c'est vraiment à cette heure-là et surtout que les autres te disent qu'ils ont la même heure que toi, eh bien, tu t'effondres par terre. Ah oui. Et c'est pas effondré, on est d'accord, je tombe pas dans les pommes. Si. Ah, d'accord. Et moi qui voulais faire un exclamant. Ah oui. Je me sens pas bien. Faut que je m'assois un peu et là quand je m'assois en fait bah justement je tombe dans les vapes enfin. Voilà c'est ça et la lampe torche vient rouler petit à petit vers un engrenage l'obstruant à moitié et faisant une grande ombre chinoise en fait sur le mur avec l'engrenage. Ben, au moment où ça fait ça, en fait, ce que tu remarques, c'est que tu vois une ombre, en fait, comment dire ça, j'essaie de le faire au mieux. Tu vois, en gros, vous voyez l'ombre d'un... comme un ange sur le mur. Ah. Vous voyez, ça fait comme l'ombre d'un ange sur le mur. En fait, des ailes et une tête humaine, en gros, sur le mur. Est-ce qu'on va réussir à récupérer Albert? Albert, tu nous entends? Ce serait dommage, quand même. Tristesse. On le voit. Ouais, bah en fait, il est là, mais il arrive pas à mettre la cam. Aïe aïe aïe. Ah. Le live est cassé. Ouais, le live est cassé. Désolé les gens. Hein. on continue quand même. Hein, le show must go on. Au besoin, si tu veux, pour si Al est là, mais qu'il arrive pas à voir la webcam et qu'il y a l'audio. Je peux désactiver ma webcam et comme ça tu te mets sur l'OBS, c'est sur la scène où moi et Al on buguait. Alors, si tu l'as encore. J'espère qu'elle est toujours paramétrée de la bonne manière parce que c'est ça le bah, truc. C'était juste si jamais ça peut t'aider à avoir un truc propre. Après, sinon, tant pis, on se débrouille quoi. parce que là, il n'est pas du tout. Il n'est pas du tout ouais, paramétré non, mais bon. Comme il faut. C'est pas grave, the show must go on, comme tu disais il y a 6 secondes. Ouais, bon, on va faire comme ça pour l'instant. Et puis après, moi, c'est plus pour lui qu'au moins il est, qu'il puisse jouer, parce que là, pour l'instant, il nous entend pas du tout. Donc c'est un peu triste. Un peu triste. Moi je dis il y a des alors bah, du coup je suis un peu alors Beria nous dit que perso ça m'arrive de passer de 14h à 22h en regardant vos JDR. C'est super gentil. Et c'est totalement vrai. C'est vrai, Rint, c'est vrai. Qui c'est regarde vrai. C'est totalement vrai. Moi je t'avoue que je l'ai fait en 1.5 donc j'ai speedé pour voir les épisodes pour être à jour à chaque fois. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est totalement ça. Après, nous avons Sorbalaf qui dit « Au moment où tu regardes les aiguilles te regardent et disent « Merde, notre humain, la nuit, il est pas ouf. » après, okay. Ah, c'est le bug de la pause café. Retour. Ah, moi, je dis ah. Ça. Est-ce que t'as... Si c'est le cas, je préviens. Ces champignons font des trips comme ça. Voilà. Donc, ok. Mais ce que je vais faire, c'est. Est-ce que tu as fait ton jet de San, Albert? Non, pas du tout. Alors là, moi, je sais pas du tout où on en est là. Je m'étais arrêté. Là, tout le monde a entendu des voix et depuis. C'est pas ce qui est le meilleur truc du monde. Alors, en gros, ce qui s'est passé, c'est que vous avez regardé tous vos montres et que vous vous êtes rendu compte qu'il est 22h. Ah ouais. Et donc tout le monde fait un jet de San. Donc c'était toi, long si dans l'escalier. 6 jets de San. Ok. Alors je suis à 56. Tu as fait 56, c'est ça? Ah non, tu joues à 56. 56. Et j'ai tu as fait combien? 56. Et en et San, t'as combien? Combien j'ai? Parce que du coup, j'ai perdu Foundry. Donc en San, j'ai. Ta-ta-ta-ta. Je vais ouvrir l'image que tu m'as envoyée. Suspense. Va-t-il perdre la San ou pas? D'ailleurs, j'en ai perdu combien? Qu'est-ce que j'ai en San? J'ai 66 sur 99. Bon, bah ça va. C'est ta San. Tout va bien. Donc tu toi pour tu gères plutôt bien aussi l'affaire, même si tu es quand même troublé par ce qui se passe voilà. Par contre, ce que tu remarques, c'est que quelques instants après, eh bien Emilio se met un peu à tituber et finit par tomber au sol et inconscient. Et sa lampe torche en fait roule au sol et vient à un moment donné à faire un peu ombre chinoise et ce qui amène devant vous au mur, dans un mur qui est en face de vous, l'ombre d'un ange. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui fait cette ombre ? Ah non, là en fait c'est juste que en roulant, si tu veux, la lampe est venu faire jeu d'ombre et d'ombre, en fait, ça a fait apparaître un ange devant vous. L'ombre d'un ange. Et tout ça. Voilà. Je suis émerveillé et terrorisé en même temps. Mais si l'un d'entre nous est chrétien, c'est peut-être le temps de se signer. Dans un bruit de cliquetis et d'engrenage persistant qui ne cesse inlassablement de cliqueter et d'engrenager. Que faites-vous pour votre ami Emilio ? Eh bien, j'essaye de le ranimer. Je m'agenouille près de lui, je soulève sa tête, j'essaye de tapoter un peu les joues. Je l'appelle Emilio. Eh bien, au bout de quelques minutes, Emilio, tu reviens à toi en sentant les petites claques de quelqu'un et en ouvrant les yeux, tu vois eh bien ton camarade Albert qui t'appelle. Allez, reprenez-vous, Emilio. Vous m'en avez raconté, non, et vous en avez traversé des plus rudes. On peut pas. Ça peut être. Ah non, non. Allez, respirez un grand coup. Je suis le seul à l'avoir entendu, on dirait. Enfin, la nuit là, on a traversé le temps en fait. C'est pas possible autrement. On sait même pas si on est en 1923. Wow, on est peut-être au 17e siècle, pendant la dernière peste de Venise. Enfin, vous croyez à ce point-là que... Voilà, ça m'a l'air. Il tremble la voiture en fait. Un peu tôt pour Emilio. Tu vois, il extrapole. Il extrapole vraiment. Oui. Donc, calmez-vous, Emilio, parce que si vous continuez sur cette voie-là, c'est moi qui vais tomber dans les pommes. Pendant qu'ils essayent de reprendre connaissance, Emilio, moi je vais quand même jeter là ce qu'il y avait sous le tapis, là, le bras humain. Je suis curieux. Bah, tu te rends compte que le bras que tu vois, alors est-ce que tu récupères la lampe torche, j'imagine, qui était au sol, que tu viens de la récupérer, parce que c'est complètement, vous êtes complètement dans le noir, hein, là. S'il n'y a pas de lampe, tu verrais pas grand chose. Sinon, ou un truc comme ça, mais sinon je ramasse sa lampe torche si tu me donnes l'occasion de le faire. Oui, non, tu peux tout à fait aller la chercher, hein. Elle n'est pas bien loin. Il faut juste que tu fais t'enjambes un engrenage comme ça. Enfin bon, voilà, tu. J'ai pas envie qu'on reste trop longtemps ici, surtout que j'ai l'impression que plus on y reste, plus on a de chances de finir comme Emilio et de tomber dans les pommes. Donc tu commences à balayer en gros la pièce et situer du coup l'endroit où t'as vu le bras. Et en fait, le temps que vous discutiez tout ça, à un moment donné, vous entendez un bruit assez important. Toi, tu es en train justement de montrer la zone que tu avec le bras. Et d'un coup, vous avez un gros bruit et tu vois en fait un personnage qui s'avance, littéralement, suivi d'un autre personnage, en gros, qui sort, mais à l'opposé. Comme les trucs des horloges, quoi. Oui, mais c'était exactement ça, en fait. En gros, là, tu te rends compte que vous êtes vraiment dans une horloge géante et que bah, y a des personnages qui prennent vie. Et tu vois, au moment où tu ça arrive, qu'il y a un ange qui sort d'un côté, et ce qui ressemblerait à la mort qui sort de l'autre, et qui viennent se rejoindre à l'un en face de l'autre. Faites-moi un jet d'idées, s'il vous plaît. C'est intelligence. Ou Je sais qu'ils intelligence, savent ouais. pas. Non, parce que le jet d'idées, c'est sur l'intelligence, en fait. Ouais. Parce que ça. Ouais, 29. Yes. Moi, j'ai pas d'idées. Yes. 42. Moi, j'ai la réponse. 59 sur 60, donc ça passe de 1. Donc j'ai une petite idée. Ben, ceux qui ont réussi, vous regardez votre montre à ce moment-là. Et il est Minuit. 22h15. Au moment où les personnages se mettent en branle et avancent, il est 22h15. Ça ressemble à des statues? Oui, ce sont des. Alors tu vois que c'est un ange et la mort, en gros, donc c'est une mort armée de classique, armée de sa faux en fait. Et que ils viennent se rejoindre, ils sont de taille humaine. Et ils viennent se rejoindre. Et vous avez l'impression que les deux, au moment où ils se rejoignent, comme s'ils s'affrontaient. Tu vois? Et au bout de quelques instants, en gros, eh bien, l'ange disparaît. Et la mort reste seule au milieu. Comment ça, il disparaît? Ben, en fait, tu sens. Comme s'il partait dans le décor. En fait, faut vous imaginer deux tapis ovales. Et d'un côté, tu vas avoir une statue qui sort, et de l'autre côté, pareil. Et ça fait un espèce de truc comme ça, en fait. Si vous voyez sur les caméras le mouvement que je fais. Ils Moi, se je te croisent, vois pas. ils se font face. Voilà, en fait, ils tournent comme ça, et après, ils se rejoignent à un endroit. Et là, et tu vois l'ange, en gros, qui disparaît dans les coulisses, et la mort qui reste en seule, triomphante, devant. Bon, comme si la mort avait triomphé de l'ange. Mais ça, c'est vers l'extérieur ou vers l'intérieur C'est vers l'extérieur, en fait, que. Mais vous, en fait, de là où vous êtes placé, vous arrivez quand même à voir un petit peu à l'extérieur. Mais vous pouvez vous déplacer, c'est peut-être vous déplacer pour voir un peu mieux les choses, mais. Parce que nous, du coup, on voit la Vous. coulisse, entre guillemets, c'est ça? Voilà, vous voyez la coulisse. Eh bien, écoute, là, moi, tout de suite, je suis un peu sonné, un peu bah, de ce qui se passe. Voir des statues s'animer comme ça, j'ai eu un peu la frayeur quand même. Donc Ouais. ça devait faire un truc, un bruit aussi infâme dans l'intérieur de ce clocher. Et je regarde vraiment si bah, on peut désigner des traces de rafistolage sur l'une des statues. Parce que là, du coup, moi, je suis venu chercher une jambe, donc je vais chercher un peu sur des statues en pierre. C'est sûr, trouvons Il cette y a jambe et quoi? quittons cet endroit. Alors, J'avais une tu question. te... La première fois. Oui? Vas-y. Non, vas-y, pose-moi la J'avais une question. question, moi, c'est. La première fois qu'on a regardé nos montres, il était 22h pile. Il était 22h, oui. Ah, ça passe D'accord. vite. Il y avait Et aussi là, on a vu l'histoire sur 22h15. Et du coup, 22h15. le bruit qu'on a entendu, c'était lors de 22h15, 22h pile. Ben, en gros, le bruit, c'était la mise en branle, en gros, de plein d'engrenages et donc qui ont mis Veux en dire, route, en gros, quand on a ces entendu. personnages. Soit pour l'un, on vient de brûler, soit pour l'autre, on Ah vient non, non, aussi de là c'était brûler des gens, toi. là c'était des gens, là c'était Oui. des gens. Mais c'était pour Alors. savoir si c'était à 22h pile ou pas aussi. Bah, c'était un peu avant que vous regardiez vos montres, donc après, D'accord, ouais. vous devez supposer qu'il n'était pas tout à fait 22h. Enfin, D'accord, ok. voilà. Il n'y avait pas cette histoire qui est de type on vu la mort sur des canaux à Venise? La mort se baladait sur des canaux de Alors, il Venise? est vrai que tu avais un des serveurs de votre hôtel qui vous a parlé de ça en disant que son cousin aurait vu la mort sur un des canaux. Bon, est-ce qu'on peut atteindre du coup la mort ? Alors, en gros, là, tu te dis que pour atteindre la mort, ce serait pas possible, puisqu'en gros, elle est à l'extérieur de la tour. En fait, il faut t'imaginer que le tapis, en fait, il donne légèrement dans le vide. Oui, qu'elle, oui, elle passe légèrement dans le vide. Par contre, vous pouvez avoir accès à l'intérieur du truc, enfin, à l'opposé, en fait, là où vous êtes. Vous pouvez accéder aux automates avant qu'ils atteignent la partie extérieure, en fait. On peut voir les autres automates, mais pas la mort, en fait. Voilà. En fait, vous vous dites que pour pouvoir atteindre les trucs, il faudra peut-être les laisser tourner pour que vous puissiez atteindre les autres personnages. Mmh. Donc là, pour l'instant, tu as en gros l'ange et la mort qui sont à l'opposé de vous dans l'engrenage, en gros. Et donc, il faut essayer de voir ce qu'il y a. D'ailleurs, vous voyez déjà apparaître d'autres personnages de là où vous êtes. Garde la montre à ce moment-là. Garde l'heure sur ma montre pour voir si le temps s'écoule plus rapidement ou pas. Tout simplement. Là, en fait, t'as l'impression que vous êtes dans des heures normales, en fait. Enfin, il est 22h16 ou 17. Le temps, en gros, quand vous regardez vos montres, il va normalement une seconde par une seconde. D'accord. Très bien. Donc, voilà. Après, vous pouvez, j'imagine, déduire que il peut se passer des choses tous les quarts d'heure, par exemple. Oui, bah ça. Et la mort, elle bouge plus, là, elle reste suspendue dans le vide. Là, pour l'instant, la mort, elle est bien visible, elle est visible de l'extérieur, donc oui, elle est toujours à sa place. Donc là, la mort et l'ange se font face à ce moment-là, ou l'ange est déjà rentré? L'ange vient de rentrer, donc il n'y reste que la mort. Est-ce que je peux aller voir du coup la statue de l'ange? Alors, il faudrait que tu te rapproches un petit peu. Ok, donc si tu te rapproches un peu, effectivement, tu pourras essayer de voir l'ange. Je dis aux autres que je vais me rapprocher, donc vous n'aurez plus de source de lumière, peut-être. Alors, tu vas me faire un test d'agilité, s'il te plaît. Parce que là, en fait, tu vas te rapprocher des mécanismes et plus tu te rapproches et plus il y a des engrenages. C'est toi qui viens de faire 96, là ? C'est toi qui viens de faire deux têtes de mort, là ? Oh, punaise. On va peut-être rester avec lui parce qu'on va se retrouver dans le noir. Au moment où... tu commences à t'avancer, Peter. Tu es tellement obnubilé par l'ange que tu fais beaucoup moins attention aux engrenages qui parcourent la pièce. Sauf que tu as la mauvaise idée, en gros, à un moment, de poser ta main, enfin, de laisser traîner ta main. Tu tiens la lanterne de quelle main d'ailleurs, droite ou gauche? Dans la main. Je tiens la lanterne. Je ne sais plus quelle main. Et je tiens la lanterne avec gauche. Attends, ça lag un peu chez moi, je pense. J'ai eu un petit lag, mais ouais. Ah, c'est pas chez moi. Non, c'était tout le monde, je pense. Donc tu m'as dit, c'était quelle main? La main gauche, je tiens la lampe torche, et la main droite, qui est maudite, je tiens la gousse d'ail. Ok. Eh bien, c'est ta main droite, avec ta gousse d'ail, et en fait, tu passes à proximité d'un engrenage qui tournait à ce moment-là. Et ta main, en fait, se fait happer. Par cet engrenage. Alors, tu vas me faire un jet de chance. Oui, oui. Au moment où tu sens que ta main se fait happer, déjà t'as une douleur immense. Tu sens que ton petit doigt te fait extrêmement mal. Comme un pincement, mais important. Surtout que sur le coup, tu sais pas ce qui t'arrive parce que t'es en train de regarder devant toi. Tu regardes cet ange qui t'appelle. Et d'un coup, tu sens un pincement immense dans ta main droite. Et par réflexe, tu enlèves ta main. Est-ce que tu regardes ta main? Oui. Est-ce que l'ail est broyé? Alors t'as lâché l'ail. Dans ton réflexe, ton l'ail est parti. Hein. Et quand tu regardes ta main... Ah, je suis plus protégé maintenant, c'est dommage. Et ben t'as plus de petits doigts. Oh! Ah! Bah, je hurle un peu de douleur. Donc vous voyez Peter qui commence à hurler de douleur qui crie de ouf. Peter, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je hurle. Hein. J'essaye de pincer à l'endroit où j'ai perdu mon petit doigt. Quoi. Vous voyez qu'il se tient la main en hurlant. J'ai lâché la lampe torche. Eh bien, j'essaie de me rapprocher de lui pour voir ce qui se passe en fait. De voir ce qui. Bah, pareil, hein, vers lui, il passe. Ouais, on s'avance. Oui. Bah, vous avancez et vous voyez. Enfin, vous voyez pas grand chose parce que la lampe a volé. Enfin, elle est un peu au niveau de ses pieds, on va dire quand même. Je vais pas vous l'envoyer trop loin. Mais vous voyez qu'il se tient la main. Enfin. Vous pouvez pas trop bien voir parce qu'il est vraiment comme ça en fait. En gros, il se tient comme ça la main. Et si on voit rien pendant genre un peu longtemps, entre guillemets, je me baisse pour aller chercher la lampe histoire de pouvoir éclairer et dire qu'est-ce qui se passe. Quoi. Et ben tu prends la lampe et tu vois du sang sur. Tu sens de partout sur sa main. Oh bordel. Mais Peter, qu'est-ce que vous avez fait? Non, Peter, vous avez fait le con. Tu vois que là, dans l'euphorie, je commence à avoir des folies d'humour, tu vois, vraiment, j'en ris, mais j'ai très très mal, et je te dis clairement que je crois que j'ai perdu un doigt dans l'engrenage. Ah non. Ah. Il faut arrêter peut-être le saignement rapidement, un mouchoir propre pour qu'il compresse assez fortement. Est-ce que je perds des points de vie? Est-ce que j'ai un état ou ça va? Je vais te dire que tu perds pas de points de vie. T'as déjà perdu un doigt, on va dire que tu vas pas en mourir. On va dire que tu seras gêné en gros pendant un temps pour utiliser ta main droite, clairement. T'auras vraiment... Si tu dois faire quelque chose avec ta main droite, tu seras... ce sera un malus en gros, hein. Mais pour ta vie n'est pas en jeu, y a pas de... je vais pas te enlever un point de vie. Voilà. Puis, malheureusement, ton doigt va pas repousser. Donc, Aucun d'entre vous n'a de nécessaire de soins, ni même des antidouleurs. Peter, vous savez bien que non. Pas une tête d'infirmière. Mais ça me fait penser, je vais noter ça dans un coin de ma tête. Pensez à ce cas d'urgence dans nos équipements pour la fois future. Pensez à un nécessaire de couture. Est-ce qu'on retrouve son doigt? Alors peut-être pas de couture, mais pensez à des antidouleurs, avoir un peu de truc de premier secours. Ouais, c'est pas bête. Oui, hein. Oui, le bandage. Emilio, pendant que tu es en train de faire tout ça, à un moment donné, tu te déplaces un peu sur le côté et tu sens quelque chose sous ton pied. C'est le... Ah non, regarde pas. Je regarde pas et je mets un coup dedans pour l'envoyer valdinguer. À cette époque-là, on pouvait pas recoudre les nerfs et tout ça. Hein. Ouais, totalement. Je crois que c'est fichu. Oui, voilà. Donc je l'envoie valdinguer, là, c'est bon. Ça donnera à manger aux rats, s'il y a des rats par ici. Ah, les rats que tout lien. Bah, j'espère pas, parce que s'il y a vraiment la peste, c'est pas une bonne idée d'attirer les rats. Ah oui, peut-être. Pendant ce temps-là, moi je vous laisse continuer là, je vais essayer de m'en remettre. Oui, non, mais oui, Peter, on va te faire t'asseoir là où c'était assis Emilio, et puis tu vas reprendre tes esprits. C'est confortable, le parquet Emilio, t'avais bien raison. Pendant ce temps-là, en fait, pendant que vous faites tout ça, et, vous entendez le mécanisme qui se remet en branle. Et cette fois-ci, vous voyez un personnage que vous pourriez apparenter, de par son costume et tout ça, à un Turc, et qui est armé d'un cimeterre, et ainsi que de l'autre côté, un lion ailé, qui a sa patte avant, en gros, qui est, comme s'il allait griffer quelqu'un, en fait. C'est comme s'il allait donner un coup de patte, donc une patte avec des griffes. Vous voyez que c'est très bien fait, hein. Franchement c'est bluffant en termes de réalisme, et c'est tout en taille réelle. Et donc vous voyez ce Turc qui s'avance et les deux se rejoignent, comme s'ils allaient s'affronter en fait. Le Turc, il a un fez ? Oui. Et du coup, ce qui se passe, c'est que peu de temps après s'être rejoint, eh bien, vous voyez en gros le personnage turc qui disparaît dans l'engrenage, dans les engrenages, et le lion reste là, triomphant. D'accord, donc c'est toujours un système de duel. Est-ce que ça veut dire que du coup, la jambe a été mise à une de ces statues-là? En fait, c'est plutôt une question pour les autres personnes qui m'accompagnent. Mais si tu veux rajouter quelque chose, vas-y. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la foulée de cette scène, vous voyez le lion qui disparaît tout de suite après. Et cette fois-ci, vous voyez un soldat armé d'une épée qui sort, lui, encore une fois, à la suite. Et de l'autre côté, vous avez un homme armé d'un gros gourdin. Ça vous fait penser un peu à un assassin. Qui lui aussi se remettent l'un en face de l'autre. Pour voir, en gros, l'homme armé du gourdin disparaître. Et cette fois-ci, le soldat reste lui triomphant. Ça s'enchaîne très vite, là. Est-ce que quelqu'un prend le temps de regarder l'heure ? Oui, je regarde l'heure. Il est 22h30. Ouais, donc c'est ça. Ça s'enchaîne assez vite quand même, non ? Non, mais là, je pense que c'est la même scène. Hein. C'est-à-dire que la première fois, c'était juste Ange et Fou. Et là, ils ont enchaîné le Turc, le Lion et... j'ai déjà oublié ce que je viens d'entendre. Il y a deux scènes, en fait, qui sont passées. Il y a l'homme turc et le lion, et ensuite le soldat et l'assassin. Voilà. Je pense qu'en fait, il y a deux scènes. En fait, je pense que ce qui va se passer... Ma théorie est là, c'est que du coup, à 45, il y aura trois scènes. Pour... Genre, en fait, c'est une sorte d'horloge, ça permet d'indiquer aux gens, tu vois, s'il y a une scène, il est premier quart, deuxième quart, troisième quart. Et je sais pas ce qui se passe quand on change d'heure. Mais ça veut dire que sûrement, en fait, pour nous, tout est là-dedans, dans les statues, quoi. De toute façon, je regarde les jambes à chaque fois de ces statues. On essaie de la repérer, cette jambe. Donc là, pour l'instant, vous avez vu la scène qui s'est passée. Est-ce que vous continuez un peu à vous occuper de Peter, ou là, vous... Vous laissez se vider de son sang. Ben, j'y ai passé mon mouchoir pour qu'il compresse. Je compresse avec son mouchoir et je fume une cigarette dans mon coin. Tranquille. C'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de choses sur nous. Tu vois, à la limite, on serait à l'hôtel, on aurait les affaires, on pourrait essayer de se choper, mais à part lui dire compresse bien. Une petite flasque de whisky, peut-être Non. Je préfère avoir les idées claires. Oui. Vide. Non, mais pour désinfecter. Bah alors, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Vous voyez que le comment dire On attend le troisième quart, hein, j'ai envie de dire, et puis on verra. Ouais, et puis après on pourra reboucler jusqu'à minuit. En fait, ce qu'il va falloir, c'est après se positionner pour faire en sorte de pouvoir accéder au statut et voir. Si j'ai compris, on peut accéder aux statues qui sont encore en attente, en fait. Alors, en fait, il vous faudrait vous placer à des endroits bien spécifiques parce qu'il y en a en fait où elles sont pas visibles. En fait, enfin, c'est con parce que j'ai pas de schéma, mais il faut vous imaginer comme vous voyez comme un couloir, enfin comme un. Vous voyez les tapis roulants d'aéroport? Comment ils sont fichus là, tu sais, vous avez ça roule machin là. Et en gros, ben, vous pouvez avoir accès que à l'endroit qui est juste devant vous, parce qu'après c'est trop loin, parce que vous les voyez au loin par exemple, mais vous pouvez pas avoir accès à eux à moins de monter sur le tapis. Mais alors là, vous prenez un risque Non, de mal finir. c'est pour ouais, non, non. C'est pour ça que c'est bien de laisser venir les trucs à nous, mais je pense qu'on peut se positionner en gros pour qu'à chaque quart d'heure on pu puisse avoir le temps que tout le monde puisse vérifier les jambes, etc., et qu'on puisse faire tourner. Ce que je voulais faire, Ça va moi, être un peu long. c'est essayer de trouver peut-être un passage qui serait plus sûr pour pouvoir passer, pour aller de l'autre côté, pour passer entre les engrenages, à des endroits où il y aurait de la place pour mettre un pied, et ensuite on met l'autre de l'autre côté. Enfin, c'est de trouver un passage comme ça, en fait. Ben là où clairement vous pouvez voir que c'est comment dire là en visuel vous pouvez avoir accès à l'ange alors, si vous êtes à droite et la mort si vous êtes à gauche. J'ai vu qu'il y en a deux, il y a deux machins. Vous pouvez pas voir les deux en même temps puisqu'ils sont sur des tapis Ouais, des différents. raies différents. Ouais. Mais l'équipe peut se séparer en deux. On pourrait Ah mettre bah la oui. moitié d'un côté. Mais là, moi, je pense que ça serait ça le plus efficace. Et on se divise en deux et chaque équipe vérifie à chaque fois que ça tourne, quoi. Ça va être Voilà. long quand même. Il doit bien y avoir un Bah, passage pour la maintenance ou un truc comme ça. ça va être long, mais pour moi, c'est le plus sécurisé, quoi. Après, on peut essayer de speeder, mais on a déjà quelqu'un qui a perdu un petit doigt et j'ai peur qu'on puisse perdre plus que ça, quoi. Après, vous pourriez y aller, mais ça implique que bah, tu te dis que habituellement, quand ils doivent faire une maintenance, le système est arrêté. Là, clairement, Non. le système continue à fonctionner. Ouais, donc. Et si vous vouliez en gros y aller comme ça, vous prendriez un risque de vous blesser Ouais. et tout quoi. Voilà. Et donc En évidemment, c'est plus, soit on trouve un moyen pour l'arrêter, soit après, soit on se et est-ce divise, qu'on on attend. pourrait pas trouver un moyen justement de l'arrêter ce système pour être tranquille? Ben, Ouais, il bah faut, oui. faut regarder s'il n'y a pas, il y a pas un système pour bloquer le. Alors, sachant que vous êtes dans le noir, vous n'avez qu'une petite lampe, vous ne connaissez pas le truc, il vous faudra un petit peu de Ça chance, prend du mais. temps. Oui, ça prendra du temps, mais. Je Voilà, file c'est comme peut-être vous une voulez. fausse bonne idée alors. Si vous avez besoin. Pour ça? J'ai un briquet si vous avez besoin pour faire un peu plus de lumière, mais bon, Bah ça. après, j'ai mon Zippo aussi parce que. Enfin, je crois que tout le monde fume. De toute manière. Mais bien sûr, monsieur, C'est nous sommes possible, je ne sais plus. 1922, tout le monde fume. C'est bon pour la santé. Ça, mais je veux dire, je crois que je sais plus si Catherine fume. Je crois Je qu'elle sais fume. pas, je crois que Je la. ne fume pas, j'ai jamais eu le temps de commencer. Ah. Bon, bah moi en tout cas, j'ai Ah. mon. J'ai. Mais moi, je. Bah, Emilio fume en tout cas, il a son Zippo Et je crois qu'en dans sa poche. 1920, si je dis pas de bêtises, on n'est pas encore arrivé à l'époque où il y a un gros message féministe dans la cigarette, donc je crois que c'est pas encore bien vu. D'accord. Bon, tu peux chiquer, hein, ça, c'est bien vu. Ah, Ça, ça, c'est c'est les vraiment Américains, américain. ça. Hein. Mais du coup, c'est vrai que si on se sépare, niveau lumière, ça va Ouais, être oui, pas par contre, terrible. oui, c'est vrai, si on. Mais Bah, on alors, j'ai envie de dire, cherchons. on peut laisser Emilio tout seul parce que à lui seul, c'est une vraie lumière. Merci, Peter. Il est trop Reposez-vous, ça va vous gentil faire du parce qu'il bien. veut qu'il m'arrive du mal. Mais ouais, je propose, on se réunit et on cherche ensemble comment arrêter la machinerie. Et si on n'y arrive pas, bah, on prend du temps pour vérifier petit à petit, quoi. Bon, moi, ça me va. Je vais vous aider, hein. Je vais pas rester seul dans mon coin. Bah, okay. Peter, vous venez, mais forcez pas trop. Touchez rien. Prenez quand même soin. Touchez rien. <c'est bien. rire> Faire qu'observer. Mais moi, au pire, je peux partir avec Giorgio, hein. Je vais de mon côté avec Giorgio et puis voilà. On dirait comme vous voulez. Dites-moi. On peut déjà chercher juste s'il y a facilement accès à quelque chose pour arrêter la machinerie. Et sinon, on se sépare. Je pense que c'est le plus efficace. Ouais. Alors, vous allez faire un jet de toc. Mais un jet de toc en... Alors, je sais qu'il y a Albert William qui est super fort. moi, je vais trouver une grosse manette près de l'entrée, là. Alors, parce que les conditions sont extrêmement compliquées et que vous êtes c'est de nuit, vous n'êtes pas horlogé et tout, ce sera en genre en extrême. Ok. Ok. Ça veut dire quoi? En gros, alors, c'est le jet. C'est le. En fait, c'est des. Quand tu regardes ta fiche, ouais. Tu vois que. Comment dire? Je sais plus comment tu fais les jets en extrême sur le machin. Il y a deux types de jets. Soit tu ouais. Sais, il y a deux types de jets. Le jet extrême, en fait, c'est juste que tu dois faire un cinquième de ton résultat. Et ouais, moi, je l'ai fait. Ok, bah alors je vous laisserai calculer parce que je n'ai. J'ai pas Fantasy Grand, donc je vous laisserai calculer un cinquième du résultat. Hein. Vous démerdez. C'est Emilio, il a fait en extrême. Bah oui. Trouver objet caché, j'ai 76. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait des petites inscriptions en italien dessus, c'est pour ça. 76, alors, je ça pense fait, que ça passe. Ça fait à peu près 38, donc tu dois faire en dessous de 38. Ah, mais ça passe de ouf! J'ai fait 19. Ah, bah voilà, on trouve. Une... Moi j'ai fait 71. Ah non, pardon, extrême c'est. Bah non, du coup c'est 4... 15. Ah non, dommage, ouais, je perds de 4. Bon, ça va, il y a Mio qui a réussi. Excusez-moi, moi je... Bon, tous, si vous cherchez un peu à droite à gauche, vous y arrivez pas forcément. Sauf que, eh bien, il y a Emilio qui arrive à trouver, en fait, un mécanisme qui, selon lui, si on arrive à le boucler, eh bien, ça pourrait arrêter la machine. En vrai, t'aurais pu utiliser plus, donc c'est pas mal. On va dire que tu peux arrêter la machine. Là, vous voyez, là. Ça c'est des... Putain, c'est de l'italien, hein. C'est écrit là-dessus, arrêt. Hein. Arrêt total. J'imagine que, voilà, hein, faut tirer ses devinettes et la manivelle Chera ou je ne sais quoi. T'as de la chance que ça, on soit dans ton pays et que on peut pas faire la même chose. Je me serais vengé si fort. j'essaie de trouver des explications pourquoi je trouve. Tu verras dès qu'on sera en Croatie, hein, tu verras toi. Ah, pas croate, hein, mais bon, tu verras quand même. Ah bon, c'est quand même meilleur que toi. Tu peux arrêter la machinerie maintenant. Bah, j'essaie d'arrêter la machinerie maintenant. Si tu veux. Alors, tu essaies d'arrêter. Tu essayes d'arrêter la machine, d'accord? Alors, si je suis les règles parfaitement, il me demande, je te dis ça, c'est entre nous, de faire un test mécanicien. Ah ouais. Ah bah évidemment. Mais si on s'allie tous ensemble... Je prends une barre en fer qui est par terre. Je fais un nœud d'engrenage. En fait, ce qui se passe, c'est que devant toi, tu as plusieurs manettes. Alors, tu sais que c'est là-dedans. Il y a une de ces manettes, si tu les mets en une certaine position, qui pourra arrêter le mécanisme. Écoute, pense la voiture. T'es fort en automobile, c'est la même chose. Ah non. Pas du tout. Mécanique normalement de base. Oui, c'est ça. J'ai 10% mécanique de base. Une chance sur 10. Donc, ok, c'est parti. Est-ce que tu veux que je fasse aussi en extrême? Non, bah non. Bref. je vais t'éviter ça quand même. Hein. Mais là, c'est même plus de la mécanique. C'est de la chance pure. Alors, tu commences à abaisser une première manette. Tu vois que, il se passe pas grand chose. Tu la remontes, t'en baisses une autre. Tu vois que ça fait rien du tout. À un moment donné, tu commences à accélérer les trucs. Ça fait un bruit bizarre. Donc tu préfères pas continuer. Au bout d'un moment, soit tu insistes et là tu prends le risque de vraiment tout péter, soit tu abandonnes et là il faudra compter sur le temps. C'est le temps qu'il faudra prendre pour réussir votre... La technique de la barre en fer, elle marche pas. Non, parce qu'en fait les engrenages, en fait il y en a tellement que tu sais pas vraiment si ça va bloquer le mécanisme de des trucs qui tournent ou le mécanisme de l'horloge, enfin d'autres c'est trucs, beaucoup en fait. De systèmes indépendants des uns des autres, quoi. Voilà, tu sais pas si ça va vraiment tout bloquer, quoi. Donc à quel endroit mettre exactement ta barre, c'est juste pas possible. En plus il fait nuit, quoi. C'est un coup à faire exploser carrément la le mécanisme et d'où avec. C'est aussi, ouais, c'est possible. À exploser, ça mais. J'ai déjà perdu un petit doigt. Mais tu veux perdre la vie aussi, c'est ça? Mais je crois qu'on va prendre notre mal en patience, mais oui, j'avais peur que de rester ici trop longtemps ce soit un peu trop. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est que le mécanisme se met en branle, encore une fois. Et là, vous voyez sortir une paysanne qui exhibe une de ses jambes, comme si elle dansait. Ah. Donc elle est en peu, c'est comme si comme un French cancan, tu sais, avec la robe relevée. Éclaire bien les jambes. Et de l'autre côté, vous voyez un paysan qui fait une révérence et qui les deux se rejoignent, ils dansent. Vous voyez que ça bouge un peu de chacun de leur côté comme s'ils dansaient ensemble. Et ensuite, vous voyez la paysanne qui part en premier, suivie tout de suite après du paysan comme s'il courait après, quoi. Ouais, pour une fois que c'est pas violent. Je me dis, c'est vachement obscène pour l'époque. Certes, mais c'est pas violent. Ouais. C'est la tradition, monsieur. Et d'ailleurs, au moment où vous voyez, où la scène se termine, vous voyez apparaître, alors pour ceux qui sont à droite, par exemple, vous voyez apparaître la paysanne. Et ceux qui seraient à gauche, vous voyez apparaître le paysan. En face de vous. Fouillez-les. Ben, inspectons ça, hein. Si on trouve une jambe. Ouais, bah. Je vais regarder, moi je suis au niveau du paysan. Et, alors, il faut peut-être faire attention parce que la dernière fois, il y a eu deux scènes qui se sont enchaînées, mais pas tout de suite, immédiatement. Faites attention que ça commence pas à redémarrer si vous êtes dessus, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est pas bête ça. Vu la chance que j'ai, je vais pas y aller, sinon je vais vous porter la poisse. C'est pas je faux. Je vais approcher moi du paysan. Je m'approche du paysan. Moi je vais aller vers la paysanne du coup. Moi je suis où? Je suis à droite ou à gauche? Faites attention, je suis avec toi, Catherine. Mais vous voyez en gros que ce sont des personnages qui sont dorés. Donc toute leur partie, les personnages sont complètement en dorure. Comme s'ils étaient complètement dorés. Donc après c'est vous qui vous démerdez pour savoir comment vous faites pour savoir si c'est les bonnes jambes ou pas. Ah ouais, il aurait repeint la jambe, mais tellement en manque de respect, quoi. Bah, moi, j'ai bien une technique. On touche les jambes et si tu commences à avoir des pustules, c'est quelque chose. C'est la bonne. Bah après, si tu pars du principe que t'es pas en contact direct, tu peux dire qu'il peut rien se passer. Après, il y a la bonne oui. vieille technique du tac au tac. Faut gratter. C'est ça. J'ai oui. un point américain si vous voulez. Ça peut. Ah, faire ouais. Ça peut. Non, non, mais on peut gratter peut-être la peinture ouais, avec. Il faudrait quelque chose sans pour forcément avoir la main dessus, quoi. Ouais. J'aimerais faire appel. Oula. Un ami. J'aimerais faire appel au MJ, parce que je ne sais oui. pas ce qu'il y a dans mon équipement. Depuis si longtemps que je l'ai. En fait, tu peux tout en cherchant bien, tu peux tout à fait trouver une pince à épiler. Si jamais le MJ pouvait me dire ce que j'avais dans mon équipement. Tu peux tout à fait trouver avec une petite, tu sais, trousse de beauté, en gros, enfin un petit truc assez léger. Hein, c'est quelque chose qui tient dans une poche ou quoi. Et donc avec une pince à épiler, ouais. Des trucs dans ce genre-là, tu vois, des trucs. Bah dans ce cas-là, bah, et une pince à épiler c'est bien parce que ça peut gratter. Bah oui, c'est en fer, ça peut gratter. Ok, et d'ailleurs, bah, si j'ai un autre truc pareil qui permet. T'as aussi une lima ongle. Ouais, alors à l'époque, elles étaient en fer. Bah, la lima ongle, je l'envoie du coup à ceux qui sont de l'autre côté, donc à Emilio. D'accord. Ah bah merci. Je prends la lime et je commence à limer la statue. D'accord. Les jambes, hein. Fais pas des trucs inutiles. Oui, non, je commence par la tête. Donc vous commencez, donc tu commences à limer la jambe de les jambes de la paysanne, et tu vois que bah t'as beau limer, c'est toujours doré. Et c'est de l'or directement. Non, mais en gros, tu vois qu'il y a une sacrée couche, quoi. Et alors, si tu veux continuer, tu peux encore continuer. Tu me dis juste pendant combien de temps t'essayes, quoi, jusqu'à ce que t'abandonnes. Mais on est. Oui, mais je veux dire, c'est. On dirait de l'or. C'est doré ou c'est. On dirait le métal. Je veux dire. Alors, c'est. T'as l'impression que c'est comme si c'était de. Comme si c'était de la feuille d'or, tu sais? Comme si tu grattais de la feuille rose. Donc t'as des copeaux un peu, tu vois, de métal en fait, qui commencent à se barrer. Mais au bout d'un certain temps, on va dire au bout de 3-4 minutes, tu finis par voir en gros apparaître du fer, enfin de la ferraille. D'accord. C'est, okay. Ouais. Parce que normalement, l'or, une feuille d'or, c'est tout fin, tout fin. Oui, c'est tout fin, tout fin, mais tu vois qu'il y a une belle couche, quoi. Enfin, il en a. Donc, d'ici en 3-4 minutes, tu vois, tu au bout d'un moment, paysan, tu vois. En tout cas, il n'y a rien. C'est le paysan que tu faisais, toi ? Moi, c'était le paysan. Ouais, lui, c'est le paysan. Okay. C'est la paysanne. Le paysan, tu vois qu'il n'y a rien. Moyen père. Et de votre côté, pareil, Catherine, vous grattez et pareil, au bout de quelques minutes, vous remarquez que c'est toujours, c'est de la ferraille en dessous. Ok. Bon, paysan et paysanne, check. Ouais. Okay. Donc, est-ce qu'on peut accéder à celles qui sont passées juste avant pour voir ? Alors, vous pouvez. Par contre, il faut rentrer dans l'engrenage. Enfin, il faut rentrer dans le système. C'est quand même très exigu. Il y a des engrenages un peu partout. Mais si tu tentes de le faire, tu peux essayer. En sachant que tu sais que à 23h, tout va se mettre en route. Ouais, je préfère pas. Ouais. Surtout que là, il est. Ça serait une mauvaise idée. Ça va tourner dans à peu près 5 minutes. Donc, si t'as 5 minutes. On se remet sur. Non, on se met à des endroits safe et on va laisser les trucs tourner. Ok, donc le temps s'écoule et puis à 23h, ce qui se passe, c'est que vous voyez que tous les automates se mettent en branle et que, en fait, tout ce que vous avez vu passer dans le quart d'heure, la demi-heure et à 45 en gros, se produit puisque toutes les danses se mettent en place, donc la mort rencontre l'ange. Ensuite, le turc rencontre le lion, le soldat rencontre l'assassin, et encore une fois, la paysanne rencontre le paysan. Et d'ailleurs, vous notez, en gros, ça sonne, hein, y a le carillon hein, des 23h qui sonne. Alors, il faut vous imaginer qu'il est 23h, donc ça va sonner pas mal de fois. 11 fois. Ouais. Donc ça fait mal aux oreilles, messieurs, dames. Se bouche les oreilles. Et on perd de la santé mentale. Et on fait écoutez. Vous voyez que ça reste supportable. Ça reste supportable. C'est supportable. Mais c'est l'audition. Mais c'est quand même désagréable. Voilà. D'accord. Donc là, vous avez en gros un quart d'heure pour faire ce que vous voulez. Soit vous tentez l'expérience de rentrer à l'intérieur, ce qui peut être sympathique. Non. Ou vous attendez 15 minutes. Mais on va attendre, de toute façon, le vigile, il va déjà nous tuer une fois. Il est pas à une heure près. Donc. Il nous a pas trouvé, je pense qu'il a dû monter et pas nous trouver, donc... Ouais, je pense. De toute façon, il peut pas monter là-haut, de toute manière. Donc, oui. Oui, c'est vrai, ouais, il peut pas aller jusqu'au bout, donc... Il nous tuera quand on voudra descendre. C'est ça. Eh bien... Non, mais autant attendre. 23h15 se passe, et la mort, rencontre l'ange... Et l'ange et la mort reviennent se placer devant vous. Eh bien, on regarde les jambes de ceux qui sont devant nous. Est-ce que c'est aussi des trucs peints? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort du lot? Est-ce qu'il faut gratter? Dis-nous tout. Alors, vous remarquez que la mort, vous ne pouvez pas avoir de jambes, puisqu'elle a un drapé qui... Voilà. Et c'est la même chose pour l'ange. Ok. Sachant que si c'est des vraies statues, normalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jambes en dessous, quoi. C'est exact. Donc, j'imagine que vous laissez passer le quart d'heure. Mm-hmm. Yes. Et dans le Turc et le Lion. Vous voyez du coup le Turc qui s'avance, qui fait face au lion et qui rentre. Mais comme vous le saviez, et bien dans la foulée, normalement, et bien le soldat fait face à l'assassin. Ouais, bah du coup, moi je veux voir quand même le Turc très rapidement si on a le temps. Alors le lion, il faut l'intercepter. En gros, ouais. Vous avez quand même quelques secondes avant que la deuxième partie se mette en route. Ouais. Et vous remarquez que le Turc a des jambes, mais que le lion, et par son état de lion, devinez très vite que le lion n'a pas de jambes. Oui, c'est pour ça que j'avais dit qu'on se focussait sur le Turc. Je regarde, moi, les mécanismes, les engrenages en fait, qui tournent quand c'est le lion et le Turc qui bougent. Je retiens ce mécanisme-là. Ok, d'accord, tu retiens. Tu observes rapidement le Turc jusqu'à ce que il vienne se faire remplacer par le soldat et l'assassin. L'assassin. Très bien. On analyse les deux du coup. Je pense que le soldat, il y a un bon... Il y a une bonne alors, qui est... Attends. Le soldat, il est dité du... attends, parce que je faut que je me rappelle. Non, t'es côté paysan. Et Emilio est du côté paysan. Alors, du coup, le soldat est côté Catherine. Et l'assassin est côté Emilio. Donc Emilio, tu commences à gratter au niveau de... Enfin, non, tu commences à regarder l'assassin et tu te rends compte que l'assassin n'a pas de jambes. En gros, enfin, il a en fait, il a une espèce de drapé pareil qui lui cache, qui lui cache les jambes. Ouais, voilà. Donc tu ne peux pas... Okay. Tu devines qu'il n'a pas de jambes. Par contre, de votre côté, le soldat, lui, a des jambes. Et vous commencez à gratter les dorures. Et au moment où tu grattes la jambe gauche du soldat, eh bien, tu vois apparaître une jambe en céramique, quelque chose de... Oui, un peu comme le bras, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, tu vois qu'il y a une jointure au niveau de la jambe qui est pas, c'est pas une pièce, enfin, elle est pas d'une pièce. Ouais. Voilà. Là, c'est une séparure quoi. C'est. Ouais, là, du coup, je dis à voix haute pour Emilio et Peter, elle est là, c'est le soldat. Ok, ben. Eh ben, c'est parti. Comment on décroche ça? Il faut se dépêcher, on a genre 15 minutes pour décrocher. Enfin, je pense autant que je grattais, on va dire 10 minutes. Tu vois que au moment où tu te rends compte que c'est le moment, eh bien, le mécanisme se met en branle. Déjà, j'ai pas mis 15 minutes à gratter. Non, mais après. Tu y a gratté, mais tu t'enlèves pas une jambe comme ça, tu vois. Enfin, je veux dire. Oui, bien sûr. Voilà. On va attendre une heure, bordel. Non, on va pas attendre une heure. Il faut qu'on bloque, il faut qu'on. Est-ce que quelqu'un peut se jeter dessus pour faire tomber la statuette? La pousser, cette statuette, pour la faire tomber et bloquer tout le système. Ouais, c'est ça, faut qu'on casse tout là. C'est dans l'engrenage. Ça bloque l'engrenage. Et en fait, on sait que la jambe, on la cassera pas, donc on peut y aller. Oui, go. En fait, elle part là. Ce qui se passe en fait, et c'est ça qui vous surprend le plus, c'était évidemment quand le mécanisme se met en branle. Et que vous sentez que les statues vont bouger, eh bien, le système est accompagné de la cloche, mais d'une cloche qui commence à gueuler, genre, comme s'il sonnait les 12 coups de minuit. Et genre, contrairement aux 23 heures que vous aviez entendues, qui étaient plutôt tolérable, même si c'était désagréable. Là, par contre, ça vous c'est insupportable. Genre, comme si la cloche avait triplé ou quadruplé en termes de volume, ce qui vous oblige littéralement à boucher les oreilles. Et vous voyez en gros les statues qui commencent à bouger. Dans tous les sens. D'ailleurs, ceux qui étaient proches du soldat, donc Catherine et c'était qui ? Albert, c'est ça ? Ouais. Oui. Vous allez me faire un test d'agilité, s'il vous plaît. J'ai combien en agilité ? J'ai fait un bon jet. J'ai combien en agilité ? Agilité, c'est... Dextérité, c'est les trucs de principaux. Oh, j'ai fait un bon jeu, j'ai fait... D'accord. J'ai fait 27 sur 40, donc ça passe. Ok, donc au moment où vous voyez ça... Alors, attendez. Attendez, hein. Oh non. Non, Linus, c'est là, je vais mettre celle-là. C'est le musique de combat, là. Oui, c'est ça. En fait, au moment où tu fais ça, tu vois que en fait, la statue du soldat se met en branle. Sauf que, si vous vous rappelez bien, la statue du soldat avait quelque chose dans la main. Était en position d'attaque. Donc, vous voyez que l'épée, en gros, qui était juste qu'il avait dans la main, en gros, vous avez juste le temps de vous repousser en arrière, parce qu'en gros, si vous étiez passé devant, vous aurez juste tranché, quoi. Alors, non pas que la statue est devenue vivante, c'est juste que le mécanisme fait de telle manière que si vous n'aviez pas bougé, eh bien, elle vous aurait juste tranché. Le seul problème, c'est que il était 23h30 et là sonnent les 12 coups de minuit. Toutes les statues se mettent en branle et vous voyez que quelque chose ne cloche pas, enfin quelque chose cloche. Il est quelle heure sur nos montres là? Il est 23h45. Ouais, donc là il y a un truc qui va vraiment pas. Et vous voyez en gros la machinerie qui fait pas un bruit normal. Il y a des choses qui ne tombent pas. Oh. Je vais en direction du truc pour l'arrêter justement. Je réessaye de l'arrêter. Pendant que tu fais ça, en fait, vous voyez que les statues, en fait, elles tournent, mais elles s'arrêtent jamais. En gros, elles sont en roue libre et à une vitesse plus ou moins rapide. Bon, elles sont pas là en mode comme ça, mais elles tournent au bout d'un moment. Elles sont les aiguilles sur nos montres, elles font quoi? Les aiguilles sur vos montres, elles bougent normalement. Okay. Mais ouais, non, c'est vraiment. Le système qui nous déteste, quoi. Voilà. Donc, si on approche donc, de la statue... Donc, toi, Emilio... Hein ? Pardon ? Si on approche de la statue, on se fait découper, c'est bien ça. Bah, en gros, si tu fais pas attention, tu peux te blesser, en sachant qu'il n'y a pas que le soldat qui a une arme. Il y a le turc, avec un cimetière. Tu as l'assassin, avec une hache, je crois. La mort avec la faux, enfin avec un courdin, voilà l'assassin, et la mort avec la faux, et le lion avec les griffes. Non, faut pas l'oublier. Oui, monsieur le MJ. Ouais, en métal, tu te le bouffes quand même, t'as mal. voilà. Donc, moi je suis là, je suis en mode. Je doute qu'on puisse arrêter le mécanisme, Emilio. Bon, ce serait. Laisse pas mal. J'avoue que en vrai, si ça marche, moi j'aurais quand même peur parce que ce serait genre le bluff. Ah, ça marche, mais genre pendant 3 secondes. Et dès que tu vas avoir. Ça, c'est... Je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire un jet de toc. Allez. Oui, monsieur. Extrême ou pas ? Non, normal. Bah, tant mieux, j'ai fait 42, j'aurais perdu. 42 sur 69, je crois, donc ça, pour moi, 42. C'est et ça, c'est beau. Oh, tous des 42, s'il vous plaît. Mais un 80 qui passe. Ah. Ça, c'est vraiment... 42, 16, 42 pour Catherine. Et toi, t'as fait combien, Albert? Et le chiffre 80. 80 et qui passe. Oh putain, vous êtes trop fort. Évidemment. Dans cette cohue, avec les cloches qui sonnent, vous avez les statues qui tournent dans tous les sens, ça part vraiment à volo. Emilio, toi, tu essayes de retourner au truc, mais bon, voilà. Dans tout ça, vous commencez vous tournez tous à peu près la tête au même moment pour regarder, en gros, vers l'horloge, enfin, vers là où il y a le truc. Et vous apercevez une personne qui vous regarde mais qui a l'air, comment dire, de d'être elle aussi, à, comment dire, surprise de ce qui se passe. Mais cette personne n'est, comment dire, est suspendue. Ah. Suspendu. Suspendu à l'horloge. Suspendu ou pendu? Suspendu. Elle suspendu. Se tient. Elle se tient à l'horloge. En gros. Dans les airs, comme ça. Mais genre tranquille. Là, si elle lâche, elle tombe, elle meurt, quoi. C'est ça. C'est ça. Ok. C'est pas Giorgio. Mais le problème, c'est que. Ah oui, c'est peut-être Giorgio. On l'a peut-être. Ah non. De toute façon, faut Giorgio. Aller, faut... Giorgio, non, Giorgio, est à... Giorgio, j'avoue que je l'ai un peu oublié, mais Giorgio est avec vous, c'est pas lui. Mais j'ai envie d'aller l'aider, moi, enfin, je signale à mes amis, vite. Au moment où tu fais l'action de, on va dire, te rapprocher d'eux, tout ça, tu vois que la personne, se lâche et tombe. Tu me fais un jet de sand, s'il te plaît. Qu'est-ce que non, vous c'est... faites. Vous êtes tous en train de regarder, donc vous faites tous un jet de sand. Ouais. Voilà. Non. C'est... Je crois que ça passe pas. Je crois que ça passe pas. Attends. Ah bah non, ça passe pas. Voir mourir quelqu'un, moi ça me va. Non mais en fait, j'ai pas perdu ma sand à cause de la montre d'ailleurs. Ouais. Oh. Faut pas le dire. Non, mais je... On a le droit de dépenser les points de chance sur les jets de sand déjà ou pas? Non. Non, ah, ok. Mais... Non, c'était pour savoir, j'avais oublié cette règle-là, j'avais besoin de savoir. J'ai fait 74 au mieux de 67, donc en vrai, de pas beaucoup. Hein. J'ai fait 68 au lieu de 66. Ah, pas beaucoup, hein. Moi je dis monsieur l'OMJ, hein, oubliez pas. Tu peux retenter le test. Non. De quoi? Non, tu peux pas. Ah, tu peux pas relancer les tests de santé mentale? Non, tu peux pas relancer les tests de santé mentale. Tu serais encore plus folle. Au lieu d'avoir une paire de 2 points, t'en perds 10, ouais. Ah là, j'ai cru voir une chauve-souris. Non, c'était que mon esprit. Ah là là, qu'est-ce attends, que tu bien coup... nous arriver ça dans le noir dans cette pièce. Alors qui a échoué? qui, alors j'ai pas regardé. Il y a que toi, Catherine, qui a échoué. D'accord. Non, y a pas que moi. J'ai raté moi aussi. Ouais. Je pense que les autres vous coulez avec moi. Albert aussi a échoué. Pas de beaucoup, mais. Oh là là. Bah, en fait, c'est la team. C'était la team paysanne. Je sens que les deux vont suivre la personne en fait pour lui. Ah non. alors, pour toi, Catherine, tu te mets à hurler, à crier genre de façon hystérique, et genre tu pars dans un, en fait, comme si t'étais bloqué en fait, genre tu viens de voir mourir quelqu'un, t'es pétrifié et en même temps tu cries, t'es un peu hystérique. Alors, Elle a mis des balles dans la tête à beaucoup de gens quand même, ça je tiens à le dire. Moi, je ne tue personne. Donc là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tu vois. Donc en gros, tu deviens hystérique et tu te mets à crier, c'est juste incontrôlable, quoi. De ton côté, Albert, comment dire ça ? Non, tu perds 3 points de santé mentale, au fait, Grenade. Okay. De ton côté, Albert, c'est pas les cris, mais tu te figes totalement. Limite, tu tombes à genoux et tu pars dans un comme si tu te fermais complètement en fait. Tu sais, tu t'es plus là en fait. Enfin, t'as les yeux ouverts, tu regardes devant toi, mais t'es plus présent quoi. Ok. Et tu perds 2 points de santé mentale. 2 ou 3? Tu m'as dit 3 au début. Alors 3 c'était pour Catherine et 2 c'est pour toi. Ah d'accord. Ouais. Alors attends, je change la santé mentale de Catherine. Ouais, merci. Et c'est de Albert. Hop, donc t'es en PR2. 64. De quoi ? Non, mais tu sais, pendant qu'ils font leur truc, nous, on est en train de se griller une clope, en fait. De votre côté, en fait, vous prenez plutôt bien la chose, aussi incroyable que ça puisse être. Je suis absorbé par la machine, j'essaie de vraiment d'utiliser la machine, en fait. Toi, en fait, vous êtes à fond dans ce qui se passe, quoi. Vous pensez à la machine, à récupérer la jambe, c'est votre but, quoi. Que faire pour récupérer la jambe ? Est-ce qu'on a des objets pour peut-être mettre dans les engrenages, genre des trucs assez durs comme des tuyaux en métal ou des barres de fer ? Des parpaings. Des parpaings ? Des grosses briques. Briques, j'arrive pas à faire un accent, mais bon. Putain. Fais-moi. Faites-moi à tous les deux un jet de toc, parce que là pour l'instant les deux autres sont pas en état. Vous voyez Catherine qui est en train de crier comme une malade. Ah mais on continue. Je ne m'arrête plus pendant une heure là. En fait, c'est vous la diva. Milo, tu cherches un peu partout, t'arrives pas trop à trouver. En même temps, t'es perturbé par Catherine qui gueule dans tous les sens. Et tu vois Albert qui est là en mode autiste. Enfin, genre, il est figé, quoi. Voilà, c'est un peu ça. C'est le syndrome de l'hôpital, quoi. Par contre, toi, Peter, effectivement, en cherchant un peu à droite à gauche, eh bien, tu finis par tomber sur des outils qui traînaient. Donc, il y a une clé à molette, un marteau que tu trouves pas loin de tout ça. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Je balance ça dans le mécanisme pour l'arrêter. Quoi ? Donc, fais-moi un jet de chance. Tu les balances comme ça dans le mécanisme. Non, mais petit bonheur. Petit bonheur, la chance. Allez. Ok, ouais. Tu commences à foutre tes trucs n'importe comment. Mais genre, n'importe comment. De toute façon, t'es, tout ça avec le bruit, tu sais, des cloches qui. c'est le bordel. Et à un moment donné, en foutant ça n'importe comment, eh bien, tu entends en gros des bruits de ferraille qui commencent à. Ça bloque l'engrenage et tu vois que la clé à molette que tu avais foutue et commence à se tordre un petit peu par l'effet du mécanisme. Mais au final, à un moment donné, tac, ça s'arrête. Et il y a un engrenage d'ailleurs qui saute, qui pète et qui va voler un peu plus loin. Et tu vois finalement les statues qui se figent et la cloche qui s'arrête. Je vais m'empresser de danger, mais vraiment, je vais m'empresser d'aller sur la statue de l'épée et je vais arracher la jambe. Hein. Je vois ça. Peter, prends ça et là, je lui tends le sac en toile de jute que j'ai récupéré, enfin que j'avais acheté. Oui, bien, bien, bien. Ok. Bah, personne s'occupe d'elle, donc elle est chier. J'ai pas le temps. Je la mets dans le sac. Temps, elle la baïonne. Du coup, vous finissez par au bout d'une dizaine de minutes à passer les trucs et tout, à enlever la jambe du soldat que vous glissez dans le sac. Alors, oui. Juste un truc, moi, le plus mauvais MJ, moi, tout de suite, j'aurais fait le truc. Hein, c'est-à-dire que le mécanisme reprend et je me fais trancher. Tu vois, ça, c'est le MJ. Non, mais non. Mais là, je veux pas faire ça. Oh, tu te fais décapiter, malheureux. Je vous récompense par vos jets. Sinon, ce serait horrible. Le petit doigt, ça lui suffit pas. Ouais, t'as déjà un petit doigt en moins. Le petit doigt, ça lui a fait plaisir, en fait. Maintenant, il veut aller plus loin. J'ai une chambre de bois, lui aussi. Donc du coup, dans le bordel le plus total, donc vous finissez quand même par mettre cette jambe gauche dans le sac. Faites-moi un jet d'écouter, s'il vous plaît. Tout le monde ou pas? Non, pas tout le monde parce que. Ok. Parce que vous n'êtes pas en état d'écouter. Ouais, ouais, ok, ok. Bah, du coup, vous entendez ma magnifique voix depuis tout à l'heure avec un A continu. Ok, bah, vous entendez uniquement les cris de Catherine et le. Non, en vrai, je pense au bout de 10 minutes. Au bout de 10 minutes, j'arrête de crier quand même. Je me pose non, mais, et je panique, gros, mais intérieurement. Ouais, voilà, c'est ça. Elle a plus de voix. C'est ça, c'est au bout d'un moment, ma voix suit plus, donc je m'arrête et je crie à l'intérieur. Donc, vous entendez que Catherine a arrêté de gueuler. D'accord. Je vais me rediriger à elle parce que je trouve ça bizarre. Hein. Ça, c'est bizarre. Là, attends, attends. Catherine fume une clope. Bon, c'est pas fini, oui. Mais attends, mais c'est ma réplique, ça. C'est fou à quel point. Qu'est-ce que vous faites? Mais Peter, tu veux pas que je récupère la jambe plutôt? T'as une main en moins, enfin faudrait. Une main en moins, il a un petit doigt en moins. Ouais, t'as une main en moins. Utiliser la main où il y a un petit doigt qui est en moins. Alors oui, c'est sûr que là, tu n'as pas la pleine utilité de ta main droite. Ça, c'est une certitude. Oui, mais je sais que si Emilio touche l'artefact, il y a quand même des chances. On ne sait pas comment ça marche. On sait qu'il y a des chances que ça puisse faire la même chose que moi, mais à sa jambe, tu vois. Et du coup, je vais pour l'instant, vous l'avez mis dans une toile de jute, donc. On l'a arraché là tout de suite. Ok, bon bah. Okay. Bah du coup, voilà. Je lui file le sac s'il a besoin. Je vais aller voir Albert. Occupe-toi de Catherine. Je pense que. Bah, vous approchez d'eux et. Vous voyez que Albert est un peu en mode comme ça, en train d'essayer de... Vous voyez qu'il parle tout seul, il est mort. Albert, je sais que c'est pas le bon moment pour commencer à fumer, mais bon, si t'as besoin vraiment, je peux te donner une cigarette. Je sais pas si c'est le moment. Mademoiselle Lamberston, reprenez-vous un peu. On ne peut pas rester ici. Il est tombé. Vous voulez finir comme lui? C'est une menace. Il me menace. Bien sûr que non. Mais vous avez bien vu une torgnole dans ta gueule. Le soldat est tombé, là, comme si... pris d'un spasme de volonté de vous abattre. Enfin, on sait pas ce qui peut arriver avec ces statues. Rappelez-vous du journal qu'on a lu. Rappelez-vous de ces ombres. je sais pas si ça marche de rassurer quelqu'un en rajoutant des... tu te souviens de quand il y avait des gros démons, non? Psychologie. Bon, merci. C'est le moment où vous finissez par entendre... Alors, je le fais en français parce que je sais pas le dire en italien, mais... C'est le démon ! C'est le diable ! C'est le diable ! Qui est tout en bas. El diablo ! El diablo ! El diablo ! Et une masse de gens qui crient comme ça tout en bas. Faut qu'on parte d'ici. Emilio, sortons. Bon, moi, j'ai pas envie, c'est contre ma volonté, Albert. Ne le prends pas personnellement, je te mets une grosse claque. Je vais ouvrir la marche avec le sac. Parce que si jamais je tombe dans les escaliers, je préfère tomber sans qu'il y ait personne et que le sac ne s'ouvre pas avec la jambe qui tomberait sur quelqu'un d'autre et tout ça. Ça se tient. Eh bien, alors quand vous descendez, vous me faites tous un jet de test d'agilité. 4. Catherine a tellement peur qu'elle est en mode Assassin's Creed. Elle est en mode je marche sur les murs et je me casse. C'est pas mal. Oui. 50 pile poil sur 50. Oui. Et toi, Albert? 74. Sur. Sur 75. Oh. J'ai eu un peu peur. Sur 75. Ah, t'es fort en dextérité. Eh bien, en fait, je me rappelle plus de l'ordre dans lequel vous êtes sorti. Il y a Emilio qui commence, et après, c'est qui? Ouais. Bah, si on fait pareil qu'à l'aller, ça fait Emilio, Peter, Giorgio, moi et Albert. Giorgio, moi, je suis derrière Giorgio. Peter, Catherine. Ah, pardon. Et Albert. Catherine et Albert. Ok, donc vous commencez à descendre, ça se passe, on va dire, plutôt bien dans les premières marches, sauf qu'à un moment donné, eh bien, Peter, disons qu'il est un petit peu pressé, en gros, parce que Catherine est tellement en mode ninja, super pressé, que il sent une pression derrière lui, tu vois, qui fait qu'il est un peu presque poussé, hein, par Catherine, même si elle ne le touche pas, ce qui fait qu'il loupe une marche, et du coup il commence à tomber en direction de Giorgio. On va voir si Giorgio arrive à gérer. Vraiment, les escaliers, c'est notre pire ennemi, je trouve. Putain, mais à chaque fois qu'il y a des escaliers, on peut mourir à tout instant. C'est-à-dire que nous, des ombres, Toulouse, ça passe, mais des escaliers. Ce qui se passe, c'est que Catherine, tu vois Peter qui commence à tomber en direction de Giorgio. Ce que Giorgio, en gros, il est concentré sur ses marches à lui, donc il ne fait pas attention à ce qui se passe derrière. Et Peter vient s'écraser littéralement sur Giorgio, qui est emporté dans la chute. Et qui, les deux commencent à tomber et vont en direction d'Emilio. Emilio qui va faire un test d'agilité. Pour nous esquiver, hein, pas pour nous retenir. Ouais, bah oui. Bah évidemment. à un moment, quand c'est trop tard, hein, vaut mieux éviter l'effet boule de neige, je crois. En plus, il avait réussi son test d'agilité pour pas se faire. Peter, tu fais tes cascades. Tu peux l'accrocher en fait au bar plutôt. Tu sais. Pour pas me faire emporter par eux. C'est... Et tu as à peine le temps, Emilio, d'entendre le sens une masse trop lourde pour toi qui s'écrase sur ton dos. Et tous les trois, vous dégringolez littéralement des escaliers. Oh là là. La jambe va rentrer en contact avec les trois. Les trois vont finir en... Il y a juste à dire, normalement... Mais moi, je peux rien faire pour les retenir. De jute, vous allez me lancer, tous les deux, un D6. Je vous laisse lancer le D6 pour vous, tu vois. C'est... Moi, je regarde juste Albert avec un regard de... Oups. Deux. Ah, là, les chanceux. Vous finissez par rouler. Disons que dans votre malchance, vous arrivez quand même à vous accrocher parce que vous êtes tellement nombreux à tomber dans l'escalier que en fait ça fait une masse de monde, une boule de trois bonhommes dans l'escalier. Qui fait que vous arrivez quand même à vous amortir les uns les autres dans la chute. Dieu, tu es bon amortisseur. Et vous finissez genre... vous descendez pas comme ça jusqu'en bas, mais vous faites 3-4 mètres de chute. Et finalement, quand vous arrivez sur les marches qui sont un peu plus larges que les autres, qui est moins usées... De toute façon, c'est en colimaçon, l'escalier. Oui, voilà. Au bout d'un moment, on se prend un mur. Il y a des paliers, ouais. Et vous finissez par tomber sur un des paliers, et donc une zone plane, qui fait que, vous avez des coupures un peu au visage, des commotions, enfin des gros bleus un peu partout. Vous avez la chance de ne pas vous être cassé quoi que ce soit, mais c'est assez douloureux et vous dites que vous ne pourrez pas faire des gros sprints ou des trucs trop physiques pendant un certain temps. On prend 2 points de dégâts, c'est ça ? 2 points de... Ouais, 2 points. Chacun. Et c'est la même chose pour Giorgio. Hein. Vous voyez Giorgio qui a des coupures un peu partout ici, là. Ça, saignement. Vous arrivez donc en bas de l'escalier. Vous ouvrez la porte du clocher, en gros. Et vous arrivez donc dans la pièce où était le fameux trône. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, j'aimerais bien regarder par la fenêtre, voir si on voit des foules en bas, voir si on voit le corps, peut-être, je sais pas. Quand vous regardez, en fait, quand tu regardes en bas, effectivement, tu vois des gens, beaucoup de gens qui sont dans les rues, qui se sont amassés, en gros, en face de l'horloge, en fait. Et en fait, ils crient, ils ont des torches dans les mains, il y en a qui ont des armes avec eux, et ils crient tous, ils sont hystériques, hein, c'est vraiment le bordel. De l'autre côté, tu vois d'autres gens qui attrapent des personnes qui leur courent après, qui les frappent, il y a vraiment des tabassages de fous. On sent vraiment que c'est comme si on cherchait la chasse aux sorcières, quoi. C'est un peu tout le monde court après tout le monde en disant ouais c'est un démon attrapez-le et il défonce devant l'horloge. Vous voyez des gens qui sont massés en train de regarder, qui regardent ce qui s'est passé et ils font ah c'est l'œuvre de Satan, c'est le diable. Je m'éloigne vite de la fenêtre pour pas que qui que ce soit m'aperçoive. Ouais, ça serait une très mauvaise idée, ouais. Effectivement. Ok. Donc là, vous. Enfin, de toute façon, vous êtes obligé de descendre normalement pour arriver sur les étages inférieurs. Arrivé en bas, vous voyez que le gardien est présent et il comprend pas trop ce qui se passe. Il est plus inquiet par ce qui se passe dehors que par votre venue. D'ailleurs, il vous avait même juste oublié, tellement avec tout ça. Oh. Quand il vous voit arriver. Quand il vous voit arriver, il se fait mais vous êtes encore là ? Genre. La trappe, c'est fermé, on n'arrivait plus à la réouvrir, on était coincés. Finalement, on a réussi à l'ouvrir, mais on s'est. C'est vous qui avez foutu ce bordel là-haut ? C'est vous qui avez foutu le bordel dans le clocher ? Non, on n'a rien fait. Bien sûr que non. On essayait juste d'ouvrir la trappe. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas réussi à accéder au clocher. Ah bon ? Non. Comme dit, on a été coincé très rapidement et puis les marches ont été trop instables et. Tu vois qu'il est troublé, et il dit mais alors, c'est vraiment, vous pensez qu'il y aurait vraiment un esprit, un diable, quelque chose qui soit ici, qui nous vole du mal ? Et ce clocher est habité par une présence maléfique, c'est... Ouais. Je ne vois que ça. Oh, merde. On ne peut pas sortir par devant. On va se faire tuer si on fait ça. On va être pris pour cible. Je connais un passage par l'arrière. Vous connaissez un passage pour sortir du palais sans passer devant cette foule. Oui, bien sûr. On va sortir par là. On va sortir par là. Juste avant ça, vous voyez qu'il était en train de regarder la place, en gros, où était la foule et qui était en contrebas du clocher. Et vous remarquez, en regardant dans la direction et surtout en vous attardant sur la place, le sol... Que dans votre souvenir, eh bien, si la personne qui était là-haut était tombée, elle aurait dû être présente ici. Et il n'y a personne. Sauf qu'il n'y a personne. Il fait encore nuit dehors, d'ailleurs. Oui, oui, il fait nuit. Là, il est minuit, pas plus. Ah, pour savoir si on a remonté encore le temps ou je sais pas trop quoi. Non. Là, il est dépassé de minuit, là. Et donc, vous ne voyez pas de corps par terre. Bon, on a eu un énorme blackout, c'est méga flippant. Est-ce que quelqu'un aurait reconnu à cet alcool américain? Qui c'est qui porte la jambe? Emilio. Tu te rends compte que, contrairement aux autres pièces que vous aviez trouvées, la jambe est plus lourde que les autres. Et que, de par son état, elle est quand même assez encombrante, hein, parce que tu vois que c'est quand même une jambe, hein, donc c'est plutôt difficile de dissimuler. Par contre, au fur et à mesure que tu la portes, bah, tu commences à sentir des gens dans ta jambe gauche. Et dans la tombe de chute, hein. Oui, oui, mais ça change rien. Vous pouvez pas dire ça, s'il vous plaît, il faut que je fasse pour la C. Moi, je suis qu'une pauvre femme, je ne peux pas. Mais Peter ou Albert, ça porterait volontiers. Martio, vous pouvez te dire ça, s'il vous plaît. Moi, je vais bien vite aller ranger ça. De toute façon, je ne suis pas surpris. Oui. Il y avait des épidémies de... Comment c'était déjà, de gangrène ou je ne sais plus là, qu'est-ce qu'on avait lu? Rien que le fait qu'elle était là, à l'air libre. Peste. La peste c'était noire. C'était la peste, on a réveillé le mal. Il y a une brouette, il y a une brouette quelque part, en tout cas, comme ça. Non, là où t'es, il n'y a pas de brouette. C'est un palais, tu sais. Mec, ils ont il y a un palais, mais donc il y a un jardinier, tu vois, pour le palais. Ouais, enfin là, en gros, si tu veux aller au jardin, faudrait passer devant les gens et dire bonsoir, comment ça va? Je viens juste chercher une brouette, je m'en vais. Ouais. J'ai une idée pour faire peur à la foule. Bah, tu en tues? Non, tu tires juste une balle en l'air. tu tires. Non, mais tu tires non, juste mais... une balle en l'air. Non, mais tu vois des gens, ils sont armés. Ils sont armés, les gens, dans la rue, là. Ils sont en train de s'entretuer à chasse aux sorcières. Au vrai, on passe par l'arrière. Ah, ça va attiser la folie encore plus. Ça risque d'aggraver les choses. Au bout d'un certain temps, vous avez quand même le gardien et qui te regarde, Emilio, et qui dit « Mais c'est quoi, ça ?» Hein ? Elle est morte. Bah, j'avais vu tout à l'heure. Bon, je vous ai pas vu rentrer avec ça, moi. Attends, moi, je vais l'interrompre. Est-ce que vous avez du matériel médical ? Parce que là, sérieux, là, vous êtes en train de me parler de mon sac que j'ai depuis ce matin. Non, mais il y a quelque chose là-dedans, là. Il y a une foule en liesse, là, qui va venir nous agresser, et vous me demandez ce qu'il y a là-dedans. Fais-moi un jet de... La technique de Xan était cool, hein, c'est dommage. On aurait pu l'endormir avec sa blessure. Ouais. Fais-moi un jet... Ça c'est persuasion, s'il te plaît. En fait, ils s'en foutent de moi et de mon doigt, tu vois, vraiment. Ah non, mais ça c'est l'ego d'Emilio, en fait. Vas-y. Non, fais ton jet de persuasion. Et pas persuadé parce que tu es nul. En fait, littéralement, il y a vraiment Peter qui a fait vous avez un truc pour mon doigt qui a été coupé? Et le mec l'a regardé, il a fait oui, mais ton sac. T'as lancé quelque chose, Emilio, ou pas là? Fonderie marche pas. Ah ouais, pas faux, bien joué. Bonne excuse. Là, Fonderie, enfin, il voit un doigt coupé normalement. Je relance Fonderie. Il n'est pas du doigt. Complain d'eau. Je peux pas faire ça, moi. Mac, mais c'est pas possible. Alors tu pourras plus boire à la English tea, c'est. Ouais, je t'avais marqué, ouais, je peux plus boire à l'anglaise. Je vais avoir un moignon à la place. Persuasion, ouais. Tu es sûr? Oui, je suis sûr, ouais. Persuasion, ouais. Il se cherche, attends. Persuasion. Et je vais utiliser... Non. Je sais très bien. ma chance. Ok, c'est comme tu veux. Ça marche. Donc... Écoutez, excusez-moi, j'étais persuadé que vous aviez passé en arrivant, mais... Écoutez, je suis désolé, j'ai pas... Non, je... Ok. Enfin, en tout cas, suivez-moi, on va sortir par derrière, on évitera la foule. Par contre, je pense que c'est comme ça dans toute la ville. Ah, donc, essayez de rentrer prudemment à votre hôtel et restez-y, on sait jamais. Ouais, faites attention à la peste, vous. Merci. Du coup, vous commencez à le suivre. Vous voyez que vous rentrez dans des petits couloirs, des dédales un peu à droite à gauche. Et vous sortez par une petite porte. Ça vous emmène dans une petite ruelle qui tout de suite vous donne accès aux berges. Au canot, voilà. Et donc, vous pouvez récupérer peut-être une gondole qui est là sur le... pour essayer de vous ramener à votre hôtel. Ouais, je finis ni deux, je balance la jambe dans la gondole, bien loin de... Dans l'eau. Okay. J'ai cru qu'il allait dire ça. Voilà, donc, effectivement, quand vous arrivez là, donc vous êtes pris au nez hein, par l'odeur qui est toujours, peut-être même encore un peu plus forte qu'avant. Donc ça vous prend aux narines. Au bout d'une trentaine ou une quarantaine de minutes, vous finissez quand même par arriver au niveau de votre hôtel. Vous voyez que ça gueule toujours, qu'il y a tout au long du trajet, vous avez vu des gens courir partout, se tirer dessus, se bagarrer. Enfin, c'est vraiment le bordel. Vous avez des gens qu'on a balancés dans les canaux. C'est l'hystérie. L'hôtel, vous voyez qu'ils ont un peu calfeutré l'hôtel. En tapant en gros sur la porte, un des grooms finit par vous ouvrir et vous dit de dépêchez-vous d'entrer vite. Je lui demande s'il peut me trouver un médecin pour mon doigt quand même, parce que j'ai pas envie d'avoir une gangrène. Bah, tu finis à un moment donné par tomber sur un médecin qui est présent dans l'hôtel et qui te soigne rapidement. Est-ce qu'il peut faire repousser mon doigt Alors il te dit que il va mettre au point un système de repousse grâce au lézard de machin, mais faudra attendre un petit peu. Vous avez un certain boîté en tout cas pour votre petit boîté. Oh, il y a pas de souci, je viens du futur, je vais vous aider. Moi je lui monte ma jambe, je lui dis qu'elle me gratte aussi d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez des émas. Si vous voulez, je peux vous soigner. Non, mais en vrai, je lui montre ma jambe. Je dis, je sais pas, c'est bizarre. Non, pour l'instant, c'est que des démangeaisons. Hein. Tu vois, il y a rien de visible en fait sur ta jambe. Je lui dis, tu vois, j'ai peur. C'est peut-être leur truc là dont ils parlent. Leur maladie, je sais pas. Il regarde. Il regarde ta jambe, il voit rien de spécial. Il lui dit, écoutez, peut-être que c'est une crise temporaire ou le stress de ce qui se passe qui vous occasionne cette démangeaison. Je pense qu'avec une bonne nuit de sommeil, ça devrait passer. Il regarde Catherine, il dit, écoutez, vous avez l'air bien pâle. Vous devriez vous allonger, peut-être c'est manger ce qu'on quelque chose. Faire, Ah oui, si c'est possible de faire monter la nourriture directement dans la chambre, j'aimerais me reposer au plus rapidement, s'il vous plaît. D'accord. Et toi, Albert, il te préconise un petit remontant pour te requinquer parce que tu as l'air complètement amorphe. Remontant, c'est exactement ce qu'il me faudrait. Voilà, donc il te donne une petite fiole que tu vas pouvoir boire, un petit tonique. Et il te dit, une fois que vous avez bu ça, allez vous coucher. Je contre la démangeaison, moi, j'ai prendre tu vois, du vinaigre. En fait, je vais m'appliquer du vinaigre sur la jambe pour essayer de calmer les démangeaisons. Ok, bah si tu veux, tu te mettras du vinaigre sur la jambe. Du balsamique. Il met du balsamique celui-là. Eh bien, c'est sur ce que nous allons terminer la session. Je vais lancer l'outro et on se retrouve juste après. Ah, j'en pouvais. Minuit.